Salut tout le monde, c'est Sei, bienvenue à la 89e émission des podcasts de VR for Player et on va discuter autour d'un VR. C'est mieux. Et bienvenue à vous dans ce podcast de bourgeois, parce que maintenant, forcément, autour d'un VR, ça va devenir un podcast de bourgeois. Si vous avez vu le titre de l'émission, vous savez de quoi on va parler, forcément. Et pour m'accompagner, j'ai Majo. Salut Majo. Bonsoir tout le monde. Comment vas-tu Majo? Très bien. Et comme on est des gros chacals minces, qui veulent faire du putaclic, ben le sujet, ça sera à la fin. Voilà. Il faudra vous taper toute l'émission avant et puis... C'est ça. On a beaucoup appris en mettant l'émission sur YouTube, on a beaucoup appris. Exactement. On apprend des meilleurs. Des meilleurs, voilà. Et puis il y en a beaucoup des meilleurs. Et ensuite, nous avons Lolo. Salut Lolo. Salut tout le monde. Je suis assez fier de rentrer dans le groupe très restreint des nantis. Parce qu'il y avait Sei, avec sa 3090. Ben maintenant, nous, on a un casque qui coûte des ronds. Hein. Nous aussi, on va pouvoir se la péter quand on va. On va pouvoir se la péter quand on va sortir au supermarché. On va dire, tu sais qui je suis, moi? Moi, j'ai un PSVR. T'as un PSVR 2, toi? Non, c'est qu'une merde, alors. Non, bah, forcément. Donc, il y a le prix du PSVR 2 qui est tombé. Voilà. Pour le meilleur et pour le pire, on va en discuter, du coup ça va être le gros dossier de l'émission, mais surtout on va commencer par les news, comme d'habitude, et on va commencer par l'annonce de Stranger Things. Alors je ne sais pas si c'est un jeu que vous attendez beaucoup les gars, on se souvient tous de l'espèce de simulation de Stranger quoi de cage à lapin sur PSVR, parce qu'il y avait déjà une expérience Stranger Things. On a vraiment l'impression, en fait c'était flou, c'était tout petit, t'étais dans un appartement, t'avais l'impression d'être dans un 20 mètre carré. Et donc voilà. Mais donc. Il y avait un démo gorgon dedans. Et c'était dans le noir. C'est ça, à la fin. Et dans le flou, t'avais un espèce c'était gratuit. Mais c'était gratuit, c'est vrai. Alors que celui-là, elle le sera pas. Laurent. Apparemment non. Je te laisse. Non, on sait pas grand chose en fait. C'est le studio Tender Claws qui s'occupe de ça. Ils ont signé un contrat avec Netflix et les créateurs de Stranger Things pour faire. Une expérience, ils parlent d'expérience dans le communiqué de presse. Déjà, c'est mal barré parce que ce mot maintenant il nous fait plus partir en courant qu'autre chose. Et puis, ce sera donc une expérience dans laquelle on va incarner le méchant héros Henry Creel qui se transforme petit à petit en Vecna. Vecna, c'est le gros méchant de la série. Attention, spoiler. Hein, donc là, t'as spoilé toute la dernière saison, c'est parfait. C'est parfait. Ouais, tout le monde sait que Vecna dans Stranger Things c'est le méchant quand même, non? Oui, mais t'as Dark Vador, c'est le méchant de Star Wars, quoi. Ouais, j'ai jamais regardé. Donc, tu vois, je savais pas, mais je regarderai pas. Merci. Bah, si tu as jamais vu Star Wars, évite le 8 et le 9. surtout. Ouais, je crois que tu peux mettre le 7 dedans aussi. Ouais, le 7 aussi. Allez, le 7, bon. allez, les 3. Allez, hop, c'est comme ça, c'est réglé. Donc, en fait, non, c'est pas grand chose. Mis à part qu'ils ont posté un petit gif animé sur le site officiel du studio et bien sûr le trailer. Et le trailer, c'est un trailer en cel shading, toon shading. Donc, on va dire que c'est du trailer style qui pourrait très bien passer sur tous les casques VR sur le marché, y compris les autonomes. On ne sait pas exactement la durée, on ne sait pas si c'est un jeu, on sait qu'il y a Netflix derrière, donc certainement que c'est une expérience VR qui va être promotionnelle à la cinquième. C'est la cinquième saison ou la sixième? La suivante, c'est la cinquième, il me semble. On en est où là? C'est la cinquième. Je crois. Donc, qui à mon avis va logiquement arriver avant la cinquième pour faire un peu de buzz. Perso, j'attends pas grand chose parce que en général, quand c'est un studio de ciné qui est derrière, c'est plus pour faire de la promotion qu'autre chose. Donc, on peut être agréablement surpris. Mais oui. Bah, si le gameplay est bien foutu en même temps, ça peut le faire. Hein. Graphiquement, pour ceux qui nous écoutent, il n'y a pas grand chose à dire. C'est très similaire à Jurassic Park. Sur Quest, sur Quest, version Quest, voilà. Ça ressemble un peu dans les traits, c'est assez similaire à ça, je trouve. Très cel-shadé et avec des aplats de texture très simple, quoi. Mais dessin animé, cartoon, avec des contours bien visibles et des gros aplats de couleurs qui te sautent à la figure, voilà. Alors on va dire que c'est simple et rouge vif. Voilà. c'est surtout multiplateforme. Il n'y aura qu'une version pour tous les casques, avec ça, c'est sûr. Bon. Bon, en tout cas, voilà. Si vous êtes fan de Stranger Things, ça pourrait peut-être vous intéresser. En tout cas, il y a l'article sur le site, donc n'hésitez pas d'aller voir ça. On est curieux, on va dire qu'on est curieux. Voilà, on espère qu'ils feront mieux que le truc gratuit qu'ils ont sorti sur PSVR. Surtout. Ensuite, si c'est payant, j'espère que ce sera mieux. Parce que... Oui, bah oui, quand même. Ensuite, notre reporter sans frontières, Majo, a eu la chance d'aller à la PGW pour voir plein de choses en VR, parce que forcément, c'était évidemment la Paris Games Week de la réalité virtuelle. C'était la restart. Ou pas. Comme c'était annoncé. Et ouais, cette PGW 2022 qui s'est fait attendre pendant 3 ans, puisque la dernière, c'était la 2019. Donc, c'était chaud sur les réseaux. Ils ont fait la promo. La PGW Restart. J'insiste sur ce Restart parce que ça s'est senti que fallait remettre les pieds dedans, quoi. Un peu mitigé quand même cette expérience. Alors pour ne rien vous cacher, j'avais prévu d'y aller pour la totalité du salon, donc les 5 jours, puisqu'en général j'y vais avec mon pote Mika, que je salue d'ailleurs. Salut Mika. Et on a jamais le temps de tout faire, donc on avait dit cette fois-ci on prendra les 5 jours. Parce qu'avant il y avait 3 halls, maintenant il n'y en avait qu'un seul, quoi. Exactement, pour bien en profiter, donc, puisqu'il y avait 3 pavillons, et en fait on avait dit ça tardait la communication. Il était dans la salle communale de Villejuif, c'est ça ? Non, c'est pas ce Mika là. Je sais pas qui c'est celui-là. Le chanteur peut-être ? Le chanteur, ouais. Mais non, à Paris, c'est un quartier, vous connaissez pas ? Ouais, je connais pas, je suis pas parisien. Non, mais il était dans une toute petite salle des fêtes, c'est ça ? Franchement, limite, ça aurait pu être la salle de conf de la mairie du patelin d'à côté. Non, trêve de plaisanterie. Du coup, d'habitude, 3 halls. Et puis cette année, ils ont un peu tardé à donner la liste des participants. Qu'est-ce qu'on allait pouvoir essayer comme titre, comme stand. Et puis surtout le plan qui a popé une semaine avant l'événement. Quatre jours avant. Et c'est là où le drame est arrivé. Donc on a vu qu'il y avait qu'un seul hall. Et autant vous dire que vu la taille et le nombre de stands qu'il y a sur 3 halls habituellement, là tout était condensé. En fait, toutes les thématiques en gros étaient condensées sur un seul hall. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est un peu catastrophique, quoi. Donc du coup, on a réduit un peu notre séjour pour le coup. On a fait que 3 jours, ce qui a suffi largement. Pas mal de trucs, mais on peut parler de l'absence de God of War, Ragnarok à l'essai quand même, qui sortait une semaine après. Sony avait pas de stand. Alors si, ils étaient avec la Fnac, non ? Alors c'était un stand Square Enix Fnac PlayStation, mais quand t'arrives, la Fnac on la voit pas, Square Enix tu les voyais parce que t'avais à l'essai Forspoken et FF7 Crisis Core Rebirth, non je me rappelle plus, le nouveau Crisis Core qui va sortir. Donc c'était pour ça essentiellement. Et puis derrière, il y avait Street Fighter aussi, Street Fighter 6, ouais c'est ça, 6, 7 ou 7, je sais pas. 6, le dernier quoi. Non, 6, 6 il me semble. Ouais, donc c'était pas... souvent à Street, hein. 12. Exactement. Pardon à tous les fans de Street Fighter, du coup. Et puis le plus gros stand d'ailleurs, et c'est vrai que ça c'était un peu l'alu parce que quand tu le vois, alors le stand était magnifique, c'était une spéciale God of War. Ragnarok, où il y avait toute une zone où tu pouvais faire la photo avec des cosplayers officiels du coup de Kratos et d'Atreus, et puis un peu plus loin il y avait une séance de dédicace avec je ne sais pas qui au bout du truc, et puis dans un décor neigeux, enfin vraiment très joli. Ils avaient mis les moyens, mais bon, il n'y avait pas le jeu, voilà. c'était un peu la déception. Bon, le stand a tourné quand même, mais c'était pas forcément ce qu'on attendait. C'est bizarre quand même que sur un salon comme ça ils mettent pas justement des petites bornes pour essayer le jeu, quoi. Alors apparemment c'est voulu, il y avait eu cette histoire de spoil un peu avant là qui avait fait une approche artistique. Si tu mets juste la première heure, à un moment qu'il y a vraiment un événement complètement incroyable à la première heure du jeu, peut-être. Visiblement ils voulaient pas, donc ou je sais pas, qu'ils fassent une démo, rien à ce niveau là comme on faisait à l'époque. De toute façon, si on veut résumer cette PGW, je pense que le maître mot c'est absence. Absence de nouveautés, absence de pas mal de choses. Et puis absence du PSVR 2. C'était pas restart, C'était pas restart, c'était absence. Si, justement, ouais. C'était restart, c'est-à-dire qu'ils ont repris tout ce qu'on avait vu en 2019. Tu avais quand même des stands de Dragon Ball FighterZ, donc un jeu qui a presque 4 ans. Ouais. Forza, enfin, il y avait vraiment, vraiment des... Enfin, il n'y avait pas de nouveautés, quoi, finalement. Enfin, moi, j'ai découvert des trucs que j'avais jamais essayé, certes, mais il n'y avait pas de nouveautés. Alors, mention spéciale à la zone Made in France, qui pour moi a été la zone la plus intéressante de cette PGW. Je crois qu'on y a passé une journée. Notamment. Il y avait du vin, non? Non, non. Et des baguettes. Non, non. Et des bérets. On a poncé Arkanoid, un remake d'Arkanoid qui sort développé par Microids, pardon. Et qui est plutôt sympa, c'est un arcanoïde multi en fait, un peu à la Tetris. Je sais pas si vous vous rappelez à l'époque où on s'envoyait des fions en faisant des lignes et des Tetris, ça apparaissait sur le l'écran de ton adversaire, et du coup bah là c'est un peu pareil. Donc on a vraiment pris notre pied là-dessus, on a joué, je pense qu'on a bien fait 4-5 heures sur ce stand. Ah oui. Sur les 3 jours confondus, ouais, on s'est fait un petit challenge, d'ailleurs j'ai gagné, désolé Mika. Et mais il a jusqu'au bout, il a pas lâché, jusqu'au dernier jour, on était sur la bande, donc j'avoue que le titre est plutôt sympa. Bon après c'est à jouer à plusieurs en côte-côte, c'était cool. Mais bon, donc pour revenir à nos moutons, hein, grand absent de cette PGW, c'est le PSVR 2 et puis la VR en général. Alors le PSVR 2, on ne savait pas, puisque personne n'avait officialisé sa présence ou son absence, que je trouve quand même assez dommage. Mais bon, comme on dit, qui ne dit mot consent, donc à partir du moment où on pose la question à savoir s'il est là et que personne te répond, bah, ça veut dire que... Le problème, c'est que voilà, c'était, quoi, quand même c'était quand même un tout petit peu... Enfin, c'était pas dit, mais c'était... sous-entendu sur le PlayStation Blog. Voilà. C'est le problème, c'est que c'est tout est sous-entendu, tout est sous-entendu sur le PlayStation Blog. Oui, c'est pas clair. Et par Sony, c'est-à-dire que. Et oui. Communication, quoi. Voilà. Et oui, mais le souci, c'est que peut-être que la Paris Games Week, ils leur ont dit surtout, vous dites pas qu'il n'y a pas le PSVR 2 parce que les mecs, ils vont pas acheter leur billet. Mais c'est, donc, voilà, c'est Paris Games Week était un peu la Paris Games Week du sous-entendu, quoi, tu vois. Bon, sous-entendu, oui, ça sera la même qu'il y a 3 ans, alors qu'en fait, t'as qu'un hall. Sous-entendu, il y aura peut-être le PSVR 2. C'est ça. C'est ça. Donc bon. Eh ben il y a un mois de ça, moi j'étais en train de prendre mes places pour bloquer mon hôtel pour aller à la Paris Games Week, et puis après coup on en discute, et puis tu commences à en parler, et puis tu te dis putain, il y a toujours rien. Après ils commencent à te dire qu'il va y avoir les 3 gros constructeurs qui vont être réunis cette année. Après tu t'aperçois qu'il n'y a pas de stand de PlayStation, mais c'est un stand de la Fnac avec Square Enix et compagnie. Après tu vois que t'as pas le plan, tu dis putain ça pue, il y a pas le plan. On était à 4 jours, on n'avait pas le plan. Je dis putain mais c'est pas possible. Et puis voilà quoi, tu de fil en aiguille. Après t'as Sony qui poste un truc, donc ils ont fait vraiment le récapitulatif de tout ce qu'il y aurait. Il y a pas le PSVR 2 dedans, donc à la fin tu lâches l'affaire quoi. Après faut aussi se rendre compte que voilà, comme disait Majo, c'est vraiment le restart de la Paris Games Week, qu'on est en train de se prendre une nouvelle vague Covid qui est en train d'arriver. C'est un diesel là. Gentiment. Je pense qu'ils merde, ils nous font chier là. Je sais qu'ils nous font chier, je suis complètement d'accord, mais toi, il reste quand même au niveau organisationnel un petit peu le cul entre deux chaises. Pas alors, savoir. Ah oui. L'événementiel, ouais. Niveau organisation, par contre, c'était très bien, faut le dire. Ils ont réduit le nombre de personnes, le nombre de places possibles. Je crois que c'était 25 000 maximum par jour, ce qui est quand même énorme, puisque 5 x 2, 10, 5 x 5, 25, ça fait 125 000 visiteurs maximum à taux plein. En sachant qu'il y a 3 ans, ils avaient éclaté le record, ils avaient fait 312 000 visiteurs sur 5 jours. Donc. Et on se souvient du bordel que c'était. Hein. Et c'est vrai que c'était hyper particulier, surtout quand il fallait changer de hall, c'était assez dramatique. Donc là-dessus, franchement, on se marchait pas dessus dans les allées. Les files d'attente, bon, bah, ça restait relativement rapide en fonction des jeux que tu allais tester. Je crois que la plus longue, il y avait 4 bornes de simulateur auto sur le stand Xbox. Donc là, autant te dire que. Sur Forza, autant te dire que là, il y avait au moins 2 heures d'attente. Donc c'est pas le genre de truc qu'on a fait. Mais voilà, bon, après, il y avait vraiment la zone indé. Made in France, pardon, et indé plutôt sympathique avec 2-3 trucs assez surprenants. Mais bon, on va parler VR pour le coup. Donc, je lisais grand absent. Alors, il y avait un stand Meta qui était le plus gros stand VR. Donc, il y avait un écran géant avec deux quests. Et la fois où j'ai été faire le tour, il y avait un peu de... non, il y avait un peu de monde. Et puis, ils faisaient des démos de Beat Saber, quoi. Donc, son avatar. Pareil, Beat Saber encore. Ouais, rien de le fer de lance. Rien de transcendant, hein, voilà, c'est pareil, c'était qui est, le jeu qui est phare. Qui est offert, il est offert avec toutes les versions du Quest 2 et du Quest Pro. Maintenant, tu prends le casque et t'habites Saber avec. Bah d'accord. Écoute, au moins ça reste quelque chose de très accessible pour les primo-accédants VR. Donc, c'est pas mal pour faire découvrir, mais bon, ouais, c'est vrai qu'on aurait, on aurait bien, aimé autre chose. C'est un jeu qui marche avec tout le monde. Même la mamie, avait... ça marche pas avec moi. Il y avait aussi le studio Wanadev qui était là avec Ragnarok, donc à jouer sur Quest 2. Et puis à côté, alors ça j'ai trouvé ça ultra dommage, et d'ailleurs je leur ai dit. Donc il y avait, ils avaient, donc ils étaient dans la zone Made in France, donc en tout petit stand avec donc Ragnarok, qui est un jeu qui a 2 ans, je crois, ou c'est un jeu de rythme un peu un Beat Saber like. Oh, il a un an, celui-là, un an et demi, je crois, un truc comme ça. Ouais, peut-être un peu plus, mais oui, dans ces eaux-là, ouais. Où en fait, il y a 4 espèces de tambours devant nous, et puis il faut taper en rythme dans un bateau viking, un drakkar viking, pour faire ramer les. D'accord. Les petits personnages devant, donc bon, après c'est sympa, c'est ça reste un jeu rythmique, mais surtout il y avait à côté la démo, enfin une vidéo démo, un trailer de Propagation Paradise Hotel, non jouable. Et alors j'aurais dit, mais c'est quand même dommage de. Ah, il me dit, ouais, mais bon, ils ont pas voulu. C'est quoi, c'est les développeurs qui ont pas voulu? Ou la direction, ou le marketing, je sais pas exactement, mais en tout cas, ils ont pas souhaité mettre de démo jouable de ce jeu pour l'instant sur. Il a un peu gore peut-être, je sais pas. Non, mais il a un peu gore. J'ai l'impression que justement, peut-être que dans les salons comme ça, ils ont plus vraiment envie de faire peur aux joueurs. Tu vois, il y a une grosse vague, une grosse hype des jeux d'horreur. C'est vrai, au début, ouais. Sur la VR, parce que c'est efficace, parce que c'est saisissant, et c'est vraiment un truc qui prend au trip, quoi. Peut-être que dans les salons, ils se sont rendus compte que. Peut-être que faire peur et foutre la chiasse aux gens qui viennent visiter, c'est pas une très bonne chose. Ouais, c'est-à-dire qu'il y avait eu pas mal de vidéos qui avaient un peu buzzé, des gens qui hurlaient, qui s'allongeaient par terre. Et des accidents. Parce que justement, ils avaient la trouille. Et des accidents. Donc c'est vrai que voilà, peut-être pour éviter ce genre de mouvement de foule ou de mouvement de panique de la part des gens qui ont le casque, effectivement, c'est peut-être une des raisons. Bon, de ce que j'en ai cru en comprendre, c'est que le jeu n'était pas spécialement suffisamment avancé pour en faire la démo, donc voilà, ils n'ont pas souhaité le faire. Bon, j'ai trouvé ça dommage. À l'opposé, il y avait un jeu dont j'ai totalement oublié le nom, très anecdotique, qui s'appelle Papaye et quelque chose. Enfin, voilà, c'était la VR de cette PGW. Il n'y avait pas des nouvelles. Il n'y avait pas des nouvelles d'Abandoned. Non, rien du tout. Non. Donc ça, c'est la partie VR pour ce qui est jouable à la maison, du moins. Donc rien de transcendant. Et le plus gros événement qui avait aussi fait sensation il y a 3 ans, et au niveau de la VR, bien entendu, c'est, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'Eva Stadium. Donc c'est le jeu After Ash, qui est un jeu full e-sport. Sur une arène de 500 mètres carrés en total déplacement libre physique. Et j'en avais parlé la dernière fois déjà, et j'avais trouvé ça génial. Et donc ils sont revenus cette année donc à la PGW, ils ont fait la Coupe de France, ils ont fait la finale de la Coupe de France, du coup, de l'Eva Stadium en direct à la PGW. C'était très sympathique, donc j'y ai joué encore une fois. Bon, il y a un peu d'attente, hein, toujours, même si on arrive très tôt le matin, c'est minimum 1 heure. Et maximum, on peut mettre 4 ou 5 heures. Wow La partie dure 6 minutes, voilà, donc. Mais c'est 6 minutes assez intensives parce que c'est des maps qui sont relativement petites, donc général. C'est pire que Disney, quoi. Ouais, il vaut mieux aller au pavillon des princesses, hein. C'est, mais bon, après, enfin, c'est vrai que quand t'arrives, tu vois les gens, voilà, et puis la simu est quand même bonne, parce que même les répliques d'armes que tu utilises pour jouer sont sympas. Donc After Ash, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est un jeu qui se joue en 3 contre 3 ou en 4 contre 4 sur des petites arènes, donc de 500 mètres carrés, où vous vous déplacez physiquement. Le seul mode de jeu qu'il y avait, c'était le mode domination, donc avec 3 maps différentes, puisqu'ils sont à la saison 2. À la base, je crois qu'il n'y en avait qu'une, là ils arrivent à la saison 2, donc ils ont rajouté 2 maps. Et du coup, donc domination avec soit 1 point, soit 3 points à prendre sur une map, et ensuite c'est un compteur de ratio qui va se remplir au fur et à mesure. Et la première équipe qui arrive à 100% donc gagne la manche. Voilà, donc tout ça en 6 minutes. Donc c'était encore une fois génial. Voilà. Le changement de matos, alors ils ont plusieurs salles, ils ont une quinzaine de salles en France. Donc si vous voulez aller voir sur le site, c'est www.eva.gg. Vous tapez Eva Stadium dans la barre de recherche, vous allez trouver. Une quinzaine de salles en France, ils ont un pass annuel, je crois qu'il est à 80€ par mois. Ce que je trouve assez cher, mais bon, ça va. Après, en 5 séances dans le mois, t'as rentabilisé ton pass annuel. Puisque en moyenne, la séance, au minimum, pardon, la séance, c'est 20€ pour une quarantaine de minutes. Voilà, pas 6 minutes, hein. 6 minutes, c'est essentiellement réservé à la PGW. Là, c'est des séances de 40 minutes. Maintenant qu'on est riche et qu'on est des nantis, on peut 80€ par mois. C'est vrai. on y va avec notre DualSense Edge et puis c'est tout bon, quoi. Bagatelle. C'est vrai. Bagatelle. Et du coup, c'est un concept qui fonctionne plutôt bien parce que, donc, une quinzaine de salles en France, ils ont prévu d'en ouvrir deux de plus là, très prochainement. Et ensuite, ils veulent en ouvrir une dizaine aux États-Unis. Voilà, donc ils veulent s'exporter. À l'étranger, ce que je trouve très cool, puisque c'est vraiment c'est le cool. concept cool. est génial, ça fonctionne très bien. Et puis la dernière chose, donc du coup, ils étaient sur des backpacks. Alors je connais pas exactement les spécificités du backpack. Pour ceux qui savent pas, pareil, c'est des ordinateurs en fait que vous avez en mode sac à dos, qui sont directement raccordés au casque que vous avez sur la tête. Donc là, sur les nouvelles salles qui vont ouvrir et peut-être sur les dernières. Exit le backpack, ils sont passés sur des Vive Focus 3 et j'avoue que c'est plutôt confort à jouer, c'est beaucoup plus léger et on en oublie presque le casque sur la tête une fois qu'on est en jeu, tellement on est dedans, quoi. Ouais. Et ça reste beau visuellement quand même ? Ça reste alors c'est assez de près, ça va, c'est très net, c'est assez sommaire dans la map. Alors la map que j'ai faite, malheureusement, c'était dans la neige et la deuxième était une espèce de hangar, mais bon, tout est plus ou moins, on va dire, confiné, donc fait pour que ça soit le plus fluide possible, parce que bon, faut pas oublier qu'on se déplace en temps réel, physiquement, donc bon, je pense qu'il y a quand même quelques calculs à faire, en plus que de rester statique dans le salon. La première map que j'ai faite, donc, était sur la neige, donc très sobre, il y avait vraiment rien, et j'ai pas trouvé ça génial, et la deuxième, donc dans le hangar, avec un système d'ascenseur, tout ça, j'ai trouvé ça beaucoup mieux. Beaucoup plus propre et plus net. Mais bon, après, voilà, t'as pas un affichage. Y a pas un affichage qui est très lointain. Le plus lointain que j'ai vu, c'est dans le hub où t'attends. Et effectivement, quand tu regardes de loin, c'est quand même assez flou. Donc je pense que bah, c'est fait exprès. Par contre, de près, c'est très net. Voilà, t'as une map qui est sur ta main gauche. Enfin, gauche ou droite, en fonction de comment tu choisis ta main forte. Mais cette map est très très nette. Quand tu la regardes, y a pas de problème. Voilà, donc c'était la meilleure expérience de cette PGW en VR. Après, bah, y en a eu d'autres. Hein. J'ai fait d'autres jeux, notamment Sonic Frontier. Il me semble que, juste pour terminer avec l'Eva, tu as discuté un petit peu avec le patron. Si tu veux faire un petit bonjour, je pense que c'est le moment. Oui. Alors, merci à lui. Donc, il s'appelle Jean. Merci beaucoup parce que j'ai eu un petit souci technique. Donc, il s'est très bien occupé de moi. C'est vraiment quelqu'un de très sympathique qui m'a permis donc de rejouer derrière sans avoir à refaire 2 heures d'attente. Donc juste pour ça, je le remercie, puisque ben, mon Vive Focus 3 a planté sur ma partie, j'ai fait un out of bound, donc j'ai fini sous la map. Voilà. Et ça, en VR, les gens savent, voilà. Out of bound, c'est... J'avoue qu'au début, je l'ai un peu mal senti, tous ceux qui sont assujettis au problème de motion sickness, ben, là j'avoue que si vous faites ça, en général... C'est l'équivalent de la mort, à peu près. Ouais, vous faites un AVC, quoi. Voilà, voilà, c'est ça. Donc il a été très sympathique, il m'a fait repasser, donc j'ai discuté un petit peu avec lui, et puis voilà, donc bah, je lui passe le bonjour, et puis merci beaucoup pour l'accueil, parce que même toute l'équipe d'ailleurs était très sympa, c'est pas leur métier, enfin eux ils sont tous issus dans la société, donc il y a chargé de recrutement, développeur, sound designer, tout ça, et ils font cette animation là pendant 5 jours, et puis ils s'amusent en fait, tu vois, même je les entendais discuter entre eux, il y avait... le chauffeur de salle, alors je sais pas qu'est-ce qu'il avait comme poste au sein de la boîte, mais il prenait plaisir à faire ça, tu vois. C'était la première fois qu'il faisait ça, mais il aimait, donc il balançait les goodies et tout, il chauffait la salle. ça lui plaisait, donc voilà, c'était plutôt cool de voir des gens s'amuser comme ça, et vraiment, ça se sent, il y a une bonne ambiance au sein de l'équipe, et ça se sent. Et c'est le principe du salon aussi, hein, c'est de rencontrer voilà. justement les gens et les joueurs, et puis faire découvrir un petit peu ton truc, hein. Les gens qui sont pas forcément à côté des salles, et voilà, c'est bien. Mais tu vois, tu vas sur un stand beaucoup plus important, t'auras pas du tout la même ambiance, ou la même, le même enthousiasme, si tu veux, de la part des personnes qui t'accueillent, alors soit parce que c'est pas forcément des gens qui travaillent, avec la boîte sur laquelle tu es accueilli, mais en tout cas voilà, ça s'est très bien passé, un très bon accueil, et donc du coup merci à eux parce que c'était un excellent moment, voilà. Big up. Et dernière chose d'ailleurs, puisque c'est vrai, j'en ai profité, j'ai fait des petits extras à l'extérieur, donc je vais saluer ce bon vieux Herbie que je n'avais jamais vu en vrai. Alors pour ceux qui ne savent pas, YouTuber assez connu dans le monde du PSVR, alors malheureusement qui a perdu sa chaîne, enfin ses chaînes très récemment. Ouais. Donc on espère qu'il va revenir, normalement peut-être. Il m'a teasé que peut-être il fera un retour avec l'arrivée du PSVR 2. Et puis Mathieu aussi de la team ETR et de la chaîne Restez Connectés, donc sur YouTube, que j'ai vu, avec qui on a mangé et qui est fort sympathique, voilà, avec qui on a bien échangé sur pas mal de sujets, et que je salue aussi, avec qui j'ai passé un excellent moment. Voilà. Et ben voilà, donc big up les gars. C'est Herbie était déjà passé dans l'émission en plus, hein. C'était même avant que tu arrives. Ouais, c'était au début, effectivement. Ouais. Oui. Ouais. Donc, avant que j'arrive, tout à fait. Donc voilà, et ben, on vous passe bien le bonjour en tout cas. C'était plutôt cool de pouvoir rencontrer Majo. Ce petit monde de la VR, voilà, qui se rencontre, j'avoue, c'était bah, c'est bien, sympa. C'est sympa en plus, comme c'est des gens que tu apprécies et qui en plus sont plutôt dans le dialogue, et puis qui sont positifs, c'est cool, quoi. Donc voilà, on leur passe exactement. Vraiment le bonjour. T'as signé un petit peu des autographes ou pas? Non, alors ça demande du Discord qui voulait me voir, qui m'a redemandé d'ailleurs. Malheureusement, c'était le jour où je rentrais, si j'étais dispo, donc j'aurais pu. mais tu l'as pas fait. Le bon, j'aurais pu, mais non. Voilà, j'aurais pu signer un autographe, mais non. T'étais à ça. Toi, j'étais à ça de devenir une star. Exactement. Le premier qui va signer son autographe, on va se mettre la pression. C'était formidable. Voilà. Ça sera toi, Laurent. C'est toi le plus connu, donc il y a pas de débat. Tu me signeras une procuration, Lolo, si jamais, comme ça, ça sera toi officiellement qui aura signé le premier autographe. On l'encadrera, on le mettra, je sais pas où. Bon, ok. Voilà. Et ben, du coup, c'est tout pour la PGW. Ben, du coup, pas grand chose. Donc, du coup, on n'a pas eu non plus Resident Evil 8 sur le PSVR 2, malheureusement. Non, rien du tout. Comme on aurait pu le supputer, mais on a mal supputé. Okay. Ah si, dernière chose, ouais. Pardon, et c'est vrai que c'est un peu la tendance en ce moment, c'est la PGW du « on sait pas ». Voilà. Quand tu poses des questions, c'est « on sait pas ». On sait pas. Alors j'ai joué à un jeu... Sont où les toilettes ? On sait pas. On sait pas. Tu fais là, c'est là. J'ai joué à un jeu qui s'appelle « Have a Nice Death ». dans la partie Made in France, donc Have a Nice Death, édité par le studio qui a fait... j'ai oublié le nom. Bref, on s'en fiche. Ah ouais, je connais. Ouais, mais alors c'est un très très bon jeu, très sympa, mais c'est surtout... Ça sort sur Steam, et j'ai demandé si ça sortait sur console. Et on m'a dit, je sais pas. On peut pas dire, on sait pas. D'accord. Et même toi, tu sais pas quel jeu tu parles en fait. Have a Nice Death, ça s'appelle. D'accord. Ok. Vous ferez des recherches sur Google et puis. Exactement. Non, mais j'ai oublié le nom du studio. J'ai oublié le nom de là. Ils ont fait une trilogie là, dont le 2 est sorti sur le PSVR. J'ai complètement oublié. C'est en cel shading. Je me rappelle plus du nom. Je suis désolé. Bon, bon, où t'as tout un tas d'armes différentes là, qui sont tout et n'importe quoi là. Bon, je suis sûr que vous avez trouvé déjà, pour ceux qui nous écoutent, je suis désolé. Si quelqu'un peut faire la recherche pendant que je meuble... C'est pas Serious Sam ? Non, Borderlands ! Voilà, ça y est, je l'ai. C'est quoi ? Borderlands. Donc c'est le studio, l'éditeur pardon, de Borderlands qui fait donc ce jeu, Have a Nice Death. Mais c'est Touquet ? C'est Touquet ? Non, c'est pas Touquet. L'éditeur. Oh, je me rappelle plus. Ou le développeur. Bon, enfin bref. Gearbox, non, c'est pas ça ? Gearbox, voilà, Gearbox. C'est ça. Gearbox, exactement. Allez, c'est bon, ben on voilà, y arrive. Après une demi-heure de recherche, on est bien. donc voilà, et Gearbox, on sait pas. Voilà, on sait pas si ça sort sur console. Alors le jeu est très bien, hein, franchement. Bon, c'est un peu difficile. Comment il s'appelle ton jeu ? Have. Have. To have. Have. Donc, have. Oh, putain. To have, ouais. A nice death. A nice death. Et il y a une jolie mort. Je risquais pas d'y arriver avec ce que j'avais tapé. Hein. Mais bon, ok. Ah, bah, nice death. Voilà, mais donc, mais il y en a tout un tas. Enfin, on a posé des questions à plein de. Ah, mais oui, mais il est connu celui-là. Plein d'autres personnes, et on sait pas si ça sort sur console, on sait pas si ça sort sur PSVR, on sait pas si ça sort en VR, on sait pas. C'est un truc voilà. Un peu avec des graphismes à la Nightmare. Merde, comment. Little Nightmare, un peu. Et il est super. J'aime bien ce style. Ouais, mais il y a un petit humour en plus, un peu décalé dans l'univers. Donc, non, franchement, c'est un bon jeu. Ah, ouais, ça sortait sur console, sympa. Mais. Graphique réaliste et sur PSVR 2 le genre, j'aime bien, on sait pas, voilà, oui, super graphique, et c'est vrai qu'avec super torché en détail quoi. C'est ça, ok, voilà. Donc c'était la Paris Games Week du on sait pas et du sous-entendu. Merci Majo, en tout cas j'espère que t'as passé et je suis sûr que t'as passé quand même un très très bon moment à cette Paris Games Week. Arkanoid, génial. Voilà, et ben on revient, tu vois, c'est dans les vieux pots qu'on fait les meilleures confitures. Et ben du coup, on va parler maintenant, on va partir dans le gros du débat. Cher ami Laurent, est-ce que tu veux commencer à nous parler du PSVR 2, s'il te plaît? Oui, je veux bien. Bon, alors, on va parler comme ça jusqu'à la fin du podcast. Ça va parler de Death Stranding. Non, on s'en fout de Death Stranding, tu marches, oh, tu fais non, chier. C'est... voilà, dans le désert, en Islande. Super. Bon, le prix. Parlons du prix. Voilà. Alors, donc c'est tombé. On rentre directement dans le vif. Hein. Vas-y, on tape dedans. Le PlayStation VR seul, sans jeu. Le 2. Attention. Oui. Sois précis, Lolo. Sois précis. Ah. Pas le 3. Il n'est pas sorti encore. Non, mais c'est pas le 1. PlayStation VR 2, 599,99€ sans jeu. Combien C'est ça. 649,99€ avec Horizon Call of the Mountain. Voilà. Avec, enfin, le code, la station, avec le code d'activation d'Horizon. Oui. Avec un code, hein, oui. T'as pas la boîte, il faut pas déconner. Dedans. Et puis 49,99€ la station de charge des deux Sense Controllers. Ce qui nous fait, bah, pour ceux qui veulent le tout, c'est 700 balles. Et puis quand même, un PSVR 2 à 600€. Enfin, c'est le prix d'entrée à la VR sur PlayStation, il est maintenant de 600€. Alors ça n'a pas manqué de faire réagir beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Nous les premiers. Alors, si vous avez nous les premiers, mais je me suis aperçu que ça a été assez viral. Parce que finalement, je me suis amusé à lire à peu près tous les commentaires qu'il pouvait y avoir de partout. Alors, je sais pas si vous avez pris le temps de lire les commentaires sur les PS Blog, notamment les 300 et quelques commentaires qu'il doit y avoir sur le PS Blog USA. Non, j'ai pas que ça. Ça charcute pas mal. Le PS Blog français, en général, il n'y a pas trop de commentaires. Là, il y a eu beaucoup de réactions. Je dirais qu'il y a au moins 70 commentaires. Et puis bon, alors bien sûr, de temps en temps, il y a toujours un commentaire qui va dire moi je trouve ça cool, je vais me le prendre. Mais entre ces commentaires-là, t'en as au moins une 10 ou 15 qui disent trop cher, même pas en rêve. Voilà, donc il y a eu une grosse réaction de la communauté PlayStation, y compris sur Twitter, où là c'est une communauté qui est ni PlayStation ni Xbox, c'est un peu n'importe qui. Où là il y a eu des premiers sondages qui ont été faits par la chaîne, c'est déjà la chaîne Twitter PlayStation, le monde de PlayStation. Où là d'habitude ils avaient fait déjà est-ce que ça vous hype, et là il avait reçu des 80% de hype, et puis là le jour de l'annonce du prix il balance 3600 votes, et puis ça a été clair, ça a été 71% de gens qui étaient plus intéressés à cause du prix. Et puis bien sûr nous on a fait également un sondage sans savoir que le prix allait être révélé, parce que notre sondage on l'a balancé à peu près 4 ou 5 jours avant que le prix soit annoncé. On l'a laissé tourner pendant 4 jours, facile, bien sûr, hein. Quand on a su le prix, quand on a su que le prix était sorti, on a arrêté le sondage. Donc du coup on a eu 1700 votes quand même, mais pourtant on a quand même coupé parce que ça a continué à grossir. Et donc sur les 1700 votes, la question posée c'était quel serait le prix de vente maximum du PlayStation VR 2 que vous seriez disposé à dépenser. Celui qui a gagné c'était 499,99€ avec 23,17%. Donc après il y a eu tout un tas, à chaque fois c'était de 50 en 50, donc après on a 399,99€, il y en a même qui le voulaient à 299,99€, mais il ne faut pas abuser non plus. On avait 449, on avait du 349, et puis tout en bas, On avait les mal-aimés, le 599-99, il y avait le 749-99, le 649 et le 699. Donc, globalement, qu'est-ce qu'on peut déduire de tout ça ? C'est qu'on a fait, on a regardé les résultats et on s'aperçoit que les gens qui en gros quittaient le navire à 449,99, il y avait 57% qui étaient OK pour le prendre day one dans ce sondage. À 499, donc à 500 balles, on va arrondir, c'est chiant, ouais, c'est 99. Ouais. À 500 balles, c'est ça. À 500 balles, il ne restait plus que 44%. Et à 550 balles, il ne nous reste plus que 21% sur 1700 votes, tout en sachant que ces 1700 votes sont des gens qui viennent voter sur le site de PS de VR4Player, qui est quand même un site spécialisé de joueurs PSVR. Et qui, on n'a pas un public de personnes qui vont venir parce qu'ils jouent à la console ou des personnes, c'est vraiment des gens qui sont plus axés PSVR. Et qui ont probablement déjà le premier. Et c'est ça. Probablement. Il y a un gros pourcentage de ces votants qui doivent déjà avoir le PSVR. Et à 600 balles, il ne nous reste plus que 13 personnes. 13%. 13%, pas 13 personnes. C'est quand même, on ne va pas abuser. Donc 13%, ça veut dire tout simplement qu'il y a 87% des joueurs PSVR interrogés dans ce sondage qui, selon eux, à 600€, ne le prendront pas parce qu'il est considéré comme trop cher. Donc forcément, c'est inquiétant. Est-ce que après, on prend un peu de recul là-dessus, on se dit qu'il y a forcément des gens qui ont voté pour 500 balles et qui vont dire « ça me fait chier, mais je vais quand même mettre les 100 balles de plus pour l'avoir ». Donc c'est pas non plus ça reste un sondage. Hein, c'est négociable. Les chiffres, ça peut varier. Par contre, quand on démarre à 13%, on va peut-être pouvoir récupérer 20%. Mais dans le meilleur des cas. Mais il y a quand même une claque, il y a quand même quelque chose qui s'est passé là. Même si beaucoup vont nier tous ces sondages en disant que les sondages c'est n'importe quoi. Mais bon. Alors moi j'ai une question à vous poser, les gars. À titre personnel, je parle pas de votre implication dans VR4Player, même si c'est un petit peu compliqué de le mettre de côté. Toi Laurent, tu l'achètes ou pas ? Sans VR4Player ? Sans VR4Player, je le prends. D'accord. Et c'est quoi qui te fait le prendre en fait ? C'est la passion technologique, enfin on va dire l'envie de découvrir. Tentaculaire. Le quoi ? Moi c'est l'écran OLED. Tentaculaire. Laurent, il aime se faire tentaculer. Ah oui, c'est vrai. Ah non. Moi ce qui me fait l'acheter c'est que le PSVR est sorti en deux versions. Je sais plus les noms. Il y avait un Z dedans, V1 et V2. Bah, y a le 1 la et première le 1, version 0, est sortie. Voilà. Ou 1.02. Voilà, le 1 est sorti le 13 octobre 2016, et le 2 est sorti en octobre 2017, donc un an plus tard. Ce qui veut dire que Sony sont capables de changer de version très rapidement. Ah, tu veux dire virer le LED pour du LCD par exemple? Et voilà, c'est exactement ça. C'est que je me suis déjà fait avoir avec la PS Vita, parce que j'avais ma première PS Vita OLED. On me l'a piqué, j'ai acheté la nouvelle, parce qu'on ne trouvait plus l'OLED. Et quand j'ai eu la nouvelle, j'ai pleuré, parce que je regrettais mon OLED. Et dans un casque VR, c'est quand même bien. C'est encore mieux. Surtout que là, c'est de l'OLED, c'est de l'OLED RGB, donc même les casques OLED actuels, ils sont en OLED Pentil. Là, c'est de l'OLED RGB, c'est le seul sur le marché qui a ça. Donc si ils s'aperçoivent que ça part pas, ils sont tout à fait capables de nous ressortir le PSVR 2 dans une deuxième mouture l'an prochain. Version light. Ou peut-être plus tard. Une version, le même casque, sauf qu'il est dedans, il n'y a plus deux écrans OLED, il n'y a plus qu'un écran LCD. Et là, si par exemple, même s'il me balance un casque à 399 balles en LCD et que je me le prends, je vais regretter cette version OLED. Donc c'est pour ça que je vais prendre le casque... D'accord. En OLED, ouais. Direct. Et toi, Majo? À chaud, j'étais très énervé. Ouais. Franchement, j'avais dit non, je le prendrais pas. Et puis à froid, donc c'est-à-dire un jour après. Après, je suis très énervé. Réfléchi. Je suis très énervé parce que j'ai pas reçu mon mail de précommande. Exactement. 24 heures. Après avoir dormi et m'être reposé, du coup j'ai réfléchi un peu et puis finalement je me dis que j'ai pas le matos pour faire tourner un casque VRPC. J'ai pas de casque VRPC et puis T'as pas une 3090 toi ? Non, Ouais, j'ai une 1060 overclockée 6 gigas. Voilà. Tu sais, la jalousie ne te sauvera pas, Laurent. Tu sais, c'est. Et non, moi maintenant je m'en moque. Je m'en moque. Maintenant je vais avoir un PSVR 2 quand même avec de l'eye tracking. Et du coup, voilà, enfin ça fait 6 ans que je fais de la VR. J'ai commencé chez PlayStation. J'ai tout le matos pour faire de la VR chez PlayStation, hormis le casque. Ouais. Donc je me dis que pourquoi pas continuer finalement, parce que j'étais déjà prêt finalement avant qu'ils sortent et avant de connaître le prix. Donc voilà, c'est plus cher que ce à quoi je pensais. Justifié ou non, ça c'est un autre débat, mais en tout cas, je m'attendais pas à ça. Après, ce qui m'inquiète un peu, c'est que c'est pas un prix qui est accessible à tout le monde, quoi. Voilà, c'est ça qui me chagrine un peu. Et puis on sait ce que c'est, hein, la VR quand la foule n'est pas là. Maintenant on est sur une philosophie un peu différente. Il y a quand même pas mal de jeux qui sont cross-plateforme maintenant. On a quand même des jeux un peu plus aboutis que ce que c'était au départ. Donc voilà, je suis quand même mitigé sur d'autres raisons d'ailleurs, mais ma première réflexion c'était ça. Donc je me suis dit je le prendrai finalement après réflexion malgré son prix. Voilà. Et je pense, je vais faire un trou à mon portefeuille, hein, mais je pense que je prendrai les stations de recharge aussi, parce que j'ai pris celle des DualSense, et j'ai deux DualSense d'ailleurs, heureusement. Et la station de recharge, c'est vrai que c'est très très pratique quand il y en a une qui est vide. C'est pas mal, hein. C'est pas tu mal. La poses dessus. Moi, je l'avais pour les PS Move, et je l'ai aussi pour la DualSense, et c'est super pratique. Quoi. Et c'est ce que j'allais dire. Tu finis ta partie, t'enclenches tes deux PS Move, et hop, c'est fini. Bah après, c'est ce que j'allais dire. Je l'ai pas sur la PS4 et les PS Move, j'avais qu'un seul câble. Après, vrai que c'est particulièrement casse-pied. Quoi. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a Netgear aussi qui fait quand même du bon matos. Moi, je sais que ma station de recharge pour les DualSense. Enfin, la manette de PS5, en fait, c'est donc la DualSense. DualSense, c'est du Netgear, ça marche très très bien. C'est plutôt designé pour aller bien à côté de la PS5, ça fonctionne bien. Donc, et c'est beaucoup moins cher que les stations officielles. Alors, moi, la station PS Move, je l'avais trouvée dans une brocante, dans un vieux magasin, et le machin était d'occasion, j'avais payé ça 10 balles, quoi. Oui, voilà. Tu peux toujours. De l'époque de la PS3. C'est ça qui est bien avec le physique, c'est que tu peux toujours te démerder. Alors, moi, pour vous donner mon avis, alors déjà, moi, je tiens à remercier encore une fois les gens qui sont sur le Discord. Il y a eu une grosse effervescence sur le sujet. C'est vrai que je pense que j'ai jamais vu le Discord. Ça continue à réagir. Exploser à ce point-là. Voilà, là, on voit que c'est en train de tomber encore. Et donc, c'est plutôt cool. En fait, ça fait réagir. Donc, il y a quand même vraiment. Des gens qui attendent, qui sont vraiment dans l'attente de voir un petit peu comment se passait au niveau de la communication avec Sony. Il y a des déçus aussi. Il y a des déçus, bien évidemment, il y en a pas mal. Il y a aussi pas mal de personnes qui sont en train de refresh leur navigateur tant qu'ils peuvent de leur boîte mail pour voir s'ils n'ont pas la possibilité de précommander. Il y a vraiment de tout, et c'est pour ça que c'est super intéressant justement de voir les gens un petit peu discuter, voir un petit peu leur état d'esprit vis-à-vis de cette annonce. Pour ma part, je sais que j'ai dit que je crois que c'était le dernier podcast ou celui d'avant, que pour VR4 Player, en fait, j'allais craquer et de toute façon, j'allais le précommander. En sachant le prix, et vu la communication de Sony, combien vu un détail très important que tu as souligné tout à l'heure, Majo, c'est que moi, j'ai un casque sur PC, j'ai une bonne configuration sur PC, et je peux me permettre d'attendre. T'as quoi, en fait. Comme carte graphique? Tu le sais très bien, tu ne manques pas de le rappeler systématiquement, mon petit Lolo. Et je vais rebondir, si on suit la politique PlayStation actuelle, dans un an, Call of the Mountain, il sera sur PC. Alors attends, j'ai pas terminé. Et donc du coup, en fait, avec ce setup-là, moi je me sens pas vraiment très pressé de... T'as pas d'eye tracking. De prendre... Je sais que technologiquement, le PSVR 2, il va... plié en deux mon Rift S, hein, mais complètement. Ça, il y a pas de souci. T'as pas senti de degrés de fauve. Non, mais c'est le Rift S, c'est vraiment de la grosse merde par rapport au PSVR. T'as pas d'écran OLED, t'as pas d'HDR, t'as pas de la 4K. Mais moi, ce qui m'intéresse, je suis pragmatique, t'as pas de la 4K et t'as eu 3090, c'est une honte. Ce qui m'intéresse, moi, ce sont les jeux. Et pour le moment, à part 3 jeux qui m'intéressent sur le line-up, on va revenir tout à l'heure au line-up qu'ils ont présenté, de 11 jeux, il y en a 3 qui m'intéressent, qui sont 3 exclusivités et 3 jeux vraiment qui me disent bien, quoi. 17, le line-up annoncé, je crois, pour l'instant. Voilà, 18. Et 20 officiellement, donc 2 encore en attente. Moi, j'attends, franchement, et je l'ai déjà dit dans une émission précédente, j'attends vraiment que Sony me donne envie d'acheter le PSVR 2. Pour le moment, c'est pas le cas. Pour le moment, je peux encore jouer et profiter vachement de VR sur mon PC. Et disons que même si c'est pas le top du top technologique au niveau du casque, ça fonctionne quand même très très bien. J'attends aussi, mais ça j'attends beaucoup trop de la part de Sony, des versions de jeux plats en réalité virtuelle, que ce soit TPS, que ce soit n'importe quel type de jeu. Il n'y a pas de jeu de bagnole. Qu'ils ont dit qu'ils feraient. Oui, mais j'espère. Et ça, ils en avaient parlé, ouais. Mais je veux qu'ils me le disent. Moi, maintenant, je veux que ce soit officiel. Je veux pas que ce soit juste pendant une interview. On a entendu. Ouais, discours d'intention, quoi. Voilà, exactement. Je veux que ce soit vraiment du concret. Dès qu'ils mettent ça en place. Qu'il l'ait dit, hein. Ils voulaient arrêter les expériences et s'orienter sur des jeux plutôt. C'est pas la même chose. Ce qui n'est pas la même chose, c'est qu'il n'y a pas eu de communiqué de presse de PlayStation qui a annoncé ça. Il y a eu PSVR with on parole et puis le journaliste de Richard Ludbetter là de Digital Foundry qui ont su via des développeurs que Sony avait fait un huis clos, et c'était au mois d'août de l'année d'avant, donc en 2021, Sony avait réuni quelques développeurs pour parler de l'avenir du PSVR 2, et c'est durant cette conférence privée qu'ils avaient dit qu'ils voulaient arrêter sur les jeux et faire plus de jeux par rétrocompatibles, des jeux compatibles PSVR 2 en partant de jeux plats. Par contre, on n'a pas eu de communiqué de presse de Sony qui a annoncé ça clairement, clair et net dans rien le officiel en fait. Voilà. Comme toute la com. Hein. Oui, donc la com de merde. Et justement, faut que Sony arrête un petit peu de compter uniquement sur les influenceurs et sur les bons cons comme nous à notre petite échelle pour essayer de vendre leur. Pourquoi? Parce que les influenceurs par définition en fait ne sont pas des gens. Enfin, les influenceurs par définition ne sont pas des gens fiables. Ce sont des gens qui vendent. C'est des hommes. Et alors, tu crois que les marketeurs c'est des gens fiables? Non, mais je veux qu'ils nous montrent quelque chose de sûr. C'est-à-dire que justement, s'ils ont une velléité de proposer des jeux plats, des TPS ou des jeux de n'importe quel type de gameplay. En réalité virtuelle, qu'ils le montrent, qu'ils le disent, qu'ils donnent une ligne directrice claire pour leur casque. Pour le moment, c'est pas le cas. Et ça me fait très très peur. Et c'est pour ça justement que mon intention d'achat, pour le moment, je vais pas faire la précommande. Ça, c'est clair et net. Je vais juste attendre peut-être de l'avoir dans un magasin et puis de craquer à ce moment-là. Ou alors, peut-être que si justement la communication de Sony est un petit peu plus claire et un peu plus sûre, quoi, là je passerai le pas. Pour le moment en tout cas c'est pas le cas et oui, ça me donne pas envie. Et puis il y a un autre parce que finalement dans notre groupe tu représentes quand même le joueur PC et c'est vrai que l'autre truc c'est qu'avec la carte graphique que t'as tu vas peut-être vouloir changer ton casque PC, on sait jamais s'il y a un nouveau parce que je veux quand même faire une précision là-dessus, le Cosmos par exemple de chez HTC Vive, je sais pas si vous avez vu les prix récemment, mais le Cosmos tu peux l'avoir à 599€. Même prix, et puis, je parle du Cosmos Elite, donc le dernier. Hein. Le premier Cosmos, il est à 399€. Donc c'est vrai que là, si t'es dans une position en disant, tout à l'heure, tu disais que ton casque, c'est un Lenovo, non? C'est ça? C'est un Rift S. Ah, oui. Aucune. Tu disais, il est un peu vieillissant, il y a peut-être un moment où tu vas vouloir t'en prendre un autre, et c'est vrai que si à ce moment-là, tu apprends que le PSVR 2 est compatible au PC, je pense que tu ne vas pas te poser la question. Ah oui, ça c'est clair. Tu vas dire, c'est bon, parce que mon casque, je le mettrai sur mon PC et sur ma console, et je serai ça. Apparemment, c'est mal barré. Mais ça peut arriver peut-être dans un an, ça peut arriver, on ne sait pas exactement. De manière officielle, ils ont réussi à pomper le PSVR 1 sur PC. Majo, enlève l'oreiller que tu as sur le visage. Il est parti faire pipi, il nous parle des toilettes. Bon, tout va bien. C'est bon, excusez-moi. Les aléas du direct, différé. Exactement, du direct en différé. Je disais, il le sera compatible PC. Il le sera, puisque. Ouais, bidouille. Ah bah, Il le sera directement ou indirectement. Ouais. Le PSVR 1, ils ont réussi à le faire, c'est de la bidouille. Alors le PSVR 2, il n'y a pas le boîtier déporté, ça sera encore plus simple. Et c'était une sacrée bidouille. Ouais. Tu sais, Maggio, le problème, c'est que le confort d'utilisation, c'est un truc qui est pour moi, en tout cas, extrêmement important. C'est-à-dire que toi, tu dis que déjà que c'est un problème la bidouille sur PC. Et voilà, c'est ce que j'allais dire. Toi, tu modes à gogo, alors tu vas pas me dire que ça va être un problème de jouer avec un casque aussi modé, quoi, tu vois. Contrairement à ce que tu penses, c'est que moi, mon casque, je le fous sur mes yeux. Je peux gérer Windows. C'est vrai, ça fonctionne mieux, c'est vrai. Je peux gérer Windows, en fait, sous le casque. Ça fonctionne très très bien. Au niveau de la bidouille, c'est zéro, mais vraiment. C'est-à-dire que au niveau du confort d'utilisation. Pour foutre un Windows dans un casque VR, déjà, il faut être acharné. Mais tu vois, au niveau du confort d'utilisation, c'est nickel. Et ces petites bidouilles, justement, pour adapter un casque, normalement, n'est pas prévu pour un PC. Ça risque d'être extrêmement compliqué à mettre en place. Ça va bugger, ça va foirer. Et moi, ça va me saouler. Je suis pas sûr parce que ce que tu auras peut-être pas, ça va être compliqué peut-être de se servir de l'eye tracking éventuellement et des retours haptiques. Mais enfin bon, tu peux quand même profiter. Si tu l'as, si t'as qu'un seul casque, t'as une PS5, tu veux le faire tourner sur le PC, tu bidouilles un peu. Au moins, tu peux réussir à avoir un seul casque, mais ce sera pas officiel quoi. Avec la carte graphique que t'as, finalement, l'eye tracking, tu t'en fous un peu en fait. Donc. Ça tournera. L'eye tracking aussi va être utilisé, ça on l'a vu par exemple sur Firewall, ça va être utilisé aussi dans le gameplay. Dans des gameplays. Et donc du coup. Mais pas que, dans la liste des 11 jeux aussi qu'on verra tout à l'heure, il y en a d'autres qui l'utilisent de manière assez intelligente d'ailleurs, dans le gameplay direct, donc ouais, ça aura son petit intérêt. Mais enfin, ça sera bidouillé de toute façon, il y en aura forcément qui vont faire quelque chose et puis. Et si ça se trouve, ça marchera super bien, comme si ça se trouve, ça marchera pas du tout. Ce dont je doute, mais... Officialisé un jour, on sait peut-être. En tout cas, ce sera pas pour cette année, ça c'est certain. Ce sera pas pour tout de suite. Si ça doit arriver officiellement, ce sera pas tout de suite, ça c'est sûr. Et puis, si ça doit arriver, il faut que ça cartonne sur PlayStation, sinon ça n'arrivera jamais. Et c'est un petit peu l'inquiétude qu'on a, ça, quand même. Du coup, est-ce qu'on peut parler du prix, maintenant, à proprement parler? Parce que... ok, 600 euros, ça fait mal. Mais pourquoi 600 euros? Pourquoi? Alors, 600 euros, est-ce qu'il y a vraiment un pourquoi? Est-ce qu'il y a vraiment un intérêt à ça, finalement? Est-ce que c'est logique? Est-ce que c'est justifié? Est-ce que ça ne l'est pas? Parce que, bon, on a enquêté un petit peu, on a longuement débattu, on est tous d'accord sur le sujet. Alors, ce qu'on peut dire déjà. Premièrement, si ça emballe, c'est barrière psychologique. Si je peux me permettre, déjà, c'est pas dû au marketing. Voilà, on peut le mettre là-dessus. Ah oui, ça c'est sûr. Ouais. C'est pas la campagne marketing qui a coûté. C'est pas le budget com, ça c'est sûr. Le stand à la Paris Games Week avec les 40. Il faut payer le stand Ragnarok. Ouais, avec les bunnies et tout ça. C'était dans la salle municipale d'à côté. Exactement. Ah merde, j'étais pas invité au bon rôle. Ah putain. Non, déjà, il y a la barrière psychologique. On se rappelle tous de 2007 et du lancement de la PS3. Là, on parlait d'une console, de salon, où quand même, il y avait déjà beaucoup plus de monde. Et on se rappelle aussi de la soirée d'inauguration à Paris sur la péniche en 2007 de la PS3, où il n'y avait pas un chat. Alors certes, il faisait très froid ce soir-là, mais aussi, le prix était tellement haut que tout le monde l'avait boudé. Et puis Sony s'en sont mordus les doigts. Et petit à petit, après, ils ont essayé de réduire les coûts et de diminuer la console. Donc en fait, ce côté-là, la barrière psychologique des 600 euros, ça reste quand même une somme... Ils auraient balancé ça à 549, ça serait beaucoup mieux passé que 600 balles. Là, 600 balles, t'arrives déjà à quelque chose qui peut coincer. Après, il ne faut pas oublier qu'on n'est plus en 2016. En 2016, je disais l'autre jour que le litre de Super, il était à 1,10€. Là, on se rapproche plus des 2€, on a des caddies plus chers, on a la vie plus chère, on a l'énergie plus chère. Donc, il y a quelques, on va dire, quelques petits plaisirs qu'on se faisait avant. Des facteurs, voilà, des plaisirs que les gens sont moins disposés à faire. Même s'ils en ont envie, ils vont se dire « Ah, je vais quand même... » Donc, en plus de ça, ils te balancent un 600 balles à cette période-là. C'est plus délicat et c'est pour ça, à mon avis, qu'on a tant de réactions. Et puis il y a aussi le contexte de 2016 où en face on avait un HTC Vive qui venait de sortir qui était à 899 €, on avait un Oculus Rift qui était à 699 €, et au final on avait notre PSVR qui n'était qu'à 429 € si on prenait les PS Move à 80 € et la caméra qui valait neuf en 2016 50 €. Donc en fait, finalement, le PSVR en 2016, il était méga bon marché. Et d'ailleurs, la question, Sony se faisait harceler de questions à l'époque en disant que est-ce que vous arrivez à gagner de l'argent, vous le vendez à perte. Et Shuhei Yoshida avait été obligé de monter au créneau et de dire que clairement qu'avec le PSVR, il gagnait de l'argent déjà à 399,99 €. Donc, ils ne perdaient pas de l'argent sur le PSVR alors qu'ils en perdaient sur la PS4. Donc il y avait aussi cette partie-là, c'est qu'à l'époque, le PSVR était vu comme un casque VR bon marché, une entrée dans la VR, et en plus, il y avait la nouveauté qu'elle allait booster un peu la chose. Là, aujourd'hui, c'est plus pareil. Là, aujourd'hui, on est plus sur un marché qui s'est développé. On a certes des casques à 1 800 € pour le Quest Pro. On doit avoir un Vive Business HTC, donc l'HTC Vive Pro Business qui est à 1 600 €. Mais ces deux casques, c'est des casques professionnels, c'est pas des casques de gamers, c'est des casques pour des entreprises qui vont en avoir besoin pour faire du design, pour faire des choses comme ça. Mais alors, c'est attends, même pas la peine de le comparer avec alors, ça. Attends. C'est des casques professionnels, certes, mais qui sont quand même présentés en grande pompe au grand public. Et c'est quand même à destination de quelques joueurs qui cherchent absolument le top du top. L'excellence. Peut-être pas chez HTC parce qu'ils ils le font un petit peu moins, mais chez Meta, ça vise aussi le grand public. Indirectement, HTC Vive, depuis qu'ils sont orientés énormément sur le pro, ils ont quand même leur chiffre d'utilisateurs sur SteamVR qui a été divisé par 3. Ils sont passés de 33% à 11%. Donc on voit quand même que HTC, ils ont pris une route un peu parallèle pendant l'avènement du Quest. Ils ont quand même lâché un peu le marché, ils se sont bien orientés du côté pro. Et maintenant, je trouve ça un peu facile d'aller chercher des casques pro pour les comparer au PSVR, parce que le PSVR 2, lui, par contre, c'est un casque grand public, c'est un casque de joueur, il n'y a pas possible. De console, donc, après, quoi. Voilà, de console. Le souci, c'est que dans la tête des joueurs, on a tellement parlé du Quest 2 et de ses casques autonomes depuis 3-4 ans que maintenant, dans la tête des joueurs, le prix, il est à 449,99 €, le prix d'un Quest 2, bon, sans option, hein, l'entrée de gamme du Quest, parce que si tu augmentes les options, bah, tu arrives vite à 600 balles aussi sur un Quest 2. Mais dans la tête des joueurs, il y a ces prix, il y a le Pico 4 qui a été annoncé en grande pompe à 429 €, et quand tu vois ce que je disais tout à l'heure, les HTC, ah oui, c'est pareil, c'est le même système, ah oui. Oui, non, mais là, c'est vraiment de la psychologie. C'est vraiment le prix d'un marché. On se dit, tiens, alors du coup, le mec, il dit, je prends quoi? Je prends un Quest 2, parce qu'il faut quand même pas oublier que les joueurs PSVR se tapent le PSVR depuis 6 ans et qu'il y a bien un moment dans leur tête où ils se sont dit, ça commence à me saouler, il n'y a pas de jeu, je vais me prendre un Quest. Donc, ils ont tout à fait conscience du prix du Quest. Et là, on leur balance un casque à 600 balles. Alors, ce qu'il faut pas oublier... Et on peut rajouter un petit truc, c'est... La console. L'intervention... Bah, sur le, quand même. L'intervention... je parlais juste sur la politique tarifaire. L'intervention de... Je ne sais plus qui, je sais pas si c'est Zuckerberg, très certainement. Sur les tarifs du Quest 3, qui est censé arriver fin 2023, donc qui a donné une fourchette de 350 à 500 $... pour le prochain casque. Alors vrai ou pas, effet d'annonce ou pas, mais bon, en attendant, il y a aussi cette petite notion qui dit que bon, bah, prochain casque autonome chez Meta, c'est 350-500 $. Ça veut dire ok, Sony, vous avez annoncé votre truc, mais les joueurs attendez un petit peu. Ça a été annoncé avant le prix du PSVR 2. C'est clairement ça. C'est un jeu d'échecs. Parole maintenant pour annoncer. Il annonce un prix. C'est juste mais pas longtemps avant, c'est vrai, une petite semaine avant. Vous allez voir. Mais comme par hasard. C'est toujours comme ça. Quand Phil Spencer avait annoncé que personne ne voulait de VR, c'était au moment où le PSVR commençait à éclater, commençait à marcher. Et de toute façon, quand ils prennent la parole, ces mecs-là, tu sais que c'est pas pour. Ils vont pas prendre la parole juste, je vais parler à mes fans aujourd'hui parce que je les aime bien. Non, ils vont balancer une punchline pour balancer un message qui va induire sur le marché et les joueurs du coup ils vont dire merde. Voilà, c'est comme Phil Spencer qui t'annonce que les augmentations de la Xbox et du Game Pass arriveront après les fêtes de Noël. S'il dit ça, c'est pas pour prévenir je vais peut-être augmenter, je vais commencer à les prévenir. Ah non, s'il dit ça, c'est parce que les joueurs, maintenant qu'ils savent qu'il va y avoir une augmentation après les fêtes, ils vont se jeter sur les produits Xbox pour Noël. Oui, et puis ils sont vus comme les gentils parce qu'ils ont augmenté tous, après les autres. Jim Ryan, sûr, pareil. L'objectif caché. Ah ben non, là en ce moment Sony c'est plutôt l'inverse parce que. Mais disons que s'il fait ça, il sait très bien que lui son objectif, il y a quand même la Xbox Series S et la Xbox Series X qui sont à 17,5 millions d'exemplaires et la PS5 qui est à 25 millions. Donc ils sont vraiment pas très loin les deux consoles, les deux constructeurs de consoles. Là, grâce aux fêtes de Noël, il y a déjà la Digital Edition qui coûte au moins 100 balles de plus qu'une série S, voire plus, 150 balles de plus. Et puis en plus, tu as la PS5 qui est à 50 balles de plus. Donc lui, en plus, il dit attention, on va augmenter après les fêtes. Du coup, son objectif, c'est clairement pendant les fêtes de rattraper le retard qu'il a sur les ventes de consoles pour avoir un parc aussi important que PlayStation. C'est le jeu, hein, c'est normal. Ah ben voilà, ça fait partie du truc et on le sait. Et inversement, c'est là où on en vient, c'est que PlayStation, c'est impossible qu'une boîte de cette taille-là ne se soit pas dit, on ne peut pas augmenter notre console pour Noël, c'est pas possible. Donc s'ils le font, c'est qu'ils y sont contraints. Et pourquoi ils y sont contraints? Parce que déjà en 2020, Sony a annoncé qu'ils vendaient la PS5 à perte. Entre parenthèses, la vente à perte est interdite dans la distribution, en théorie, parce qu'il y en a qui le font quand même par des moyens cachés, mais est interdite dans la distribution. Par contre, pour un constructeur, c'est légal. Une entreprise a tout à fait le droit de faire de la vente à perte à partir du moment où elle dit « je vais faire de la vente à perte, qui va me permettre de développer un marché ?» Donc là, c'est tout à fait légal. Et tous les constructeurs ont fait ça, autant Nintendo que Xbox, que Sony, ils font tout ça, ils vendent les consoles à perte. Et comme ça, ils arrivent comme Zuckerberg avec son Quest 2, c'est exactement la même chose. Et du coup, ils arrivent à en vendre des paniers, et après, ils font de l'argent, bien sûr, parce que vu qu'il y a des millions de consoles installées, ils arrivent à faire de l'argent sur les jeux, en récupérant leurs 30%. Le souci qu'on a, c'est que ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'est l'augmentation du prix des composants, qui est passé quand même, sur certains composants, à plus 30%, il y en a à plus 40%, et sur les écrans, les connectiques d'écran est passé à plus 50%. Ce qui fait que du coup, les consoles qui étaient déjà vendues à perte sont maintenant plus à perte, mais en méga perte. Donc ça leur coûte, on va dire, ça leur coûte une couille. Et du coup, ils se sont retrouvés coincés. Ils ont dit, mais mince, là maintenant, déjà on vendait à perte, mais maintenant ça va nous coûter encore plus cher. Donc du coup, ils ont été obligés d'augmenter de 50 euros leur console. Et même Xbox va faire la même chose parce qu'ils sont dans la même situation. Par contre, la différence entre Sony et Xbox, c'est que Sony, il fait entre 7 milliards de bénéfices nets par an. Xbox, sur certains trimestres, ils ont fait 17 milliards de bénéfices sur un trimestre, en 3 mois. Donc en gros, c'est comme si toi, tu gagnais 2000 balles par mois et que ton voisin, il faisait 20 000 par mois. C'est ce rapport de force qui est entre les deux sociétés. Donc le fait qu'ils aient beaucoup d'argent, ça leur permet aussi de perdre de l'argent. Ils peuvent perdre oui, d'avoir de l'argent, une marge de manœuvre beaucoup plus large sur leur décision et la durée d'appliquer un tarif ou pas. Dans une situation comme celle-ci, aujourd'hui, ils sont en train de se dire putain, nous aussi on est coincés, nous aussi on perd peut-être 100 balles ou 150 ou peut-être 200 balles sur la série X. Mais si on augmente notre série X maintenant, on va se retrouver au même prix que la PS5, on va encore se faire baiser. Donc du coup, ils vont la laisser à 50 euros moins cher. Ils s'en foutent, ils vont payer les frais, parce qu'ils savent très bien que derrière, s'ils en vendent plus, ils récupéreront derrière sur les jeux, quoi. Donc, en fait, voilà, c'est de ce fameux rapport qui était sorti en février 2022, je crois, le rapport aux investisseurs de Sony, qui précisait noir sur blanc, hein, parce que là c'est pas une rumeur, ils avaient mis clairement dans le rapport, en fait ils mettaient toutes les structures, tout ce qui rapportait de l'argent à Sony et ce qui n'en rapportait pas, en différents des et donc pour le gaming, on voyait bien que les jeux rapportaient plein de sous, qu'il y avait plein de trucs, les accessoires sont dans le positif aussi, ils rapportent beaucoup de sous les accessoires, par contre ce qui ne rapporte pas d'argent c'est la PS5, et là il y avait une ligne qui disait clairement que la PS5 était vendu à un prix inférieur de son coût de production. C'était clair et net, c'est écrit noir sur blanc. D'ailleurs, il y a une vidéo qui est déjà sortie à l'heure où vous verrez le podcast, où je vous montre ce rapport dans la vidéo. Donc le rapport, ce fameux rapport qui précise clairement que Sony fait de l'argent sur les accessoires et qui fait des pertes sur la PS5, ça précise aussi que les accessoires en fait servent à combler les pertes qu'ils font sur et ce qui expliquerait peut-être également que la Sense Edge soit si chère, oui. et que le PSVR 2 ils aient prévu une petite marge pour combler ces pertes qui, je vous rappelle, dans leur statistique et dans leurs prévisions, ils avaient prévu ces pertes à la base parce qu'ils disaient la PS5 sera vendue à perte. Mais ils n'avaient pas prévu que les composants allaient prendre 50%. Donc du coup, pour combler ces pertes, ils ont dû... Ce qui va arriver à Microsoft également, hein, parce que ça arrive à tout le monde, ça. Toutes les entreprises vont... La technologie, elle va prendre cher en 2023-2024. Mmh. Et donc, il y a eu des gens sur Internet qui, quand ils ont vu que les jeux, parce qu'il y a eu, c'est rigolo, parce qu'il y a eu ce phénomène de masse de gens qui ont dit 600 euros c'est trop cher, et après il y a eu une contre-attaque de gens qui disaient que le PSVR 2 en fait c'était un casque qui valait 1000 euros et que Sony le vendait à perte à 600 euros. Donc ça c'est n'importe quoi parce que justement dans Bloomberg était tombé sur les frais de fabrication de la PS5. Et déjà, en 2020, la PS5 coûtait 450 euros à produire. Donc là, maintenant, on suppose qu'elle doit être au-delà de 500 euros. Elle doit être peut-être même à 520 euros, 530 euros maintenant. Donc quand on dit on achète une PS5 à 550 balles, en fait, s'il y a 10 balles ou 15 balles qui vont dans la poche de Sony, c'est le grand maxi, et bien souvent, c'est zéro. C'est ce qui est en début d'année, c'était le cas. Quand ils vendaient une console, la console leur coûtait 20 ou 30 balles de plus que ce qu'ils vendaient. Ça vaudrait, Lolo, à partir du moment où la console serait vendue... le même prix, je dirais, sur tous les continents. Ce qui n'est pas le cas, parce que la hausse, elle n'a pas été appliquée à tout le monde. Hein. Il y a certains pays qui l'ont et d'autres qui ne l'ont pas. Alors, sur les États-Unis, elle est à combien sur les États-Unis? J'ai pas regardé le prix. Il me semble que c'est toujours 500 $, hein, ou un truc dans le genre. Mais après, il y a aussi. Il me semble que le prix n'a pas bougé aux États-Unis. Ouais. Il y a aussi. En Angleterre aussi, il me semble que c'est ça. Et il y a un deuxième facteur à ça, c'est que le taux de change, aujourd'hui, le yen, vas-y. Ça ne vaut plus rien. C'est différent, ouais. Ah oui, ça c'est un autre gros problème, c'est que le yen, dans les 5 ans, il a perdu 22% de sa valeur par rapport au dollar. Donc du coup, un Japonais qui achète, par exemple, Sony, on a beau dire qu'ils sont américains, ça reste une société japonaise, ça appartient et c'est renfloué par l'État japonais quand il y a des pépins. Et eux, quand ils achètent, quand ils font fabriquer, par exemple, un PSVR en Chine, un PSVR 2 en Chine, ils importent quelque chose qui vient en Chine, dans leur pays. Mais vu que le yen, il vaut plus rien par rapport au dollar, c'est marrant parce que cette notion de taux de change, elle est aussi dans le rapport de Sony, où il y a des chiffres négatifs dus à ce taux de change aussi. Donc quand ils achètent en dollars et qu'ils font importer des trucs, ils perdent de l'argent. Alors c'est peut-être pour ça aussi qu'aux États-Unis, vu que c'est du dollar, ils ne l'ont pas augmenté. C'est possible. Il doit y avoir des bidouilles au sein des grosses structures comme ça pour se dire, bon, bah, avec le dollar, en passant par les Américains, on a moins de taxes ou je sais pas quoi, et on n'a pas besoin de l'augmenter. Par contre, nous, en Europe, on en a pris plein la gueule. Mais dans tous les cas, ça a toujours été comme ça. Les accessoires ont jamais... le PSVR n'a jamais été vendu à perte. Même le premier jour de son lancement, il faisait déjà du bénéfice avec la simple vente du casque, sans parler des jeux. Et le PSVR 2, ce sera pareil. Après, me dire que le PSVR 2 coûte 600 balles, là, il faut arrêter tout de suite. Parce que si tu démontes un Quest 2, tu vas voir tout ce qu'il y a dedans. Tu vas vite te rendre compte que le casque, quand Zuckerberg te dit qu'il est à 449 balles et qu'il est vendu en prix coûtant, voire à perte, là, je pense pas qu'il mente. Non. Par contre, quand tu démontes un PSVR et que tu vois comme c'est vide dedans... C'est assez impressionnant. Voilà. Donc, D'ailleurs, pour ça, on vous conseille la chaîne et le site. Je crois qu'ils ont un site internet aussi, iFixit. Super pour ça. Qui s'amuse à démonter tout ce qui est justement périphérique et matériel de nouvelles techno. Et ils font des espèces de plans de coupe, on va dire, mais sur table. Et c'est vraiment très parlant en fait de justement tout ce qu'il peut y avoir à l'intérieur de ils font des géométriques très très très claires. Et puis leurs images sont super nettes, c'est super bien filmé, c'est super bien expliqué, c'est top leur truc. Et en plus ils mettent plein de photos. Voilà. Après, c'est sûr que quand tu vois le teardown du Quest 2 et que tu vois qu'à l'intérieur, c'est un mini PC, en fait. Il y a un radiateur, il y a un processeur, il y a un CPU, un GPU, il y a des caméras, tu vois le truc, tu dis, il y a le heatsink, tu le vois, quoi. Donc, en fait, la différence, c'est que Facebook, c'est comme Microsoft ou c'est comme Sony aussi. Sony, ils vendent à perte leur PS5. Ils ont fait le choix de vendre la perte en PS5, leur PS5 pour rentrer sur le marché du jeu vidéo et gagner de l'argent grâce au jeu. Et Facebook font exactement la même chose avec leur Quest. Ils font le choix de le vendre à perte. C'est pour ça qu'il est si peu cher. Pour rentrer, pour distribuer à 17 millions d'exemplaires quand même le Quest 2 dans le monde entier. Et à partir de ça, ils arrivent à gagner de l'argent. Sony ne sont pas dans la même situation. C'est qu'ils sont déjà à perte sur la PS5. Donc, ils ne vont pas mettre à perte le PSVR 2 parce que lui, justement, il est chargé de renflouer ce qu'ils sont en train de foutre chaque mois par la fenêtre. Ah ouais. Donc, ce qu'il faut savoir par contre, c'est que c'est sûr que ça va en faire rager en disant quoi, ils vendent à perte, parce que en plus en Europe ou même en France, quand tu gagnes de l'argent, c'est mal vu. Il faut vendre quelque chose gratuit. Donc en fait, ça peut choquer en disant comment ça ils font comment ça Sony fait de la marge. Sony fait des marges sur leurs produits, mais c'est des salauds. Alors qu'en fait, si tu regardes bien, c'est plutôt le système PlayStation que tu achètes. Si tu as bonne conscience, tu te dis que tu as gagné de l'argent en achetant une PS5, parce que la PS5, tu l'aurais payé beaucoup plus cher que ça s'il avait margé. Tu aurais peut-être payé ça 700 balles. C'est là où il y a la différence aussi. On parle souvent des PC et des consoles. Les PC sont vendus, au prix coûtant. C'est à la pièce. Non, ils sont vendus avec marge. Ils sont à la pièce. Et puis chaque constructeur fait sa marge sur le truc. Donc du coup, ça coûte plus cher. Là, les constructeurs, ils achètent des millions d'exemplaires et ils vont faire un truc qui va coûter pas cher, mais en plus vendu à perte. Donc du coup, c'est là où ce qui est important de se rappeler, c'est que on a une entrée de gamme en VR qui est le Quest, vendu à perte à 449,99€ en entrée de prix. On va dire que ça, c'est l'offre mobile, c'est la PS Vita, et le Pico. C'est joué, voilà, que tu peux raccorder à un PC par contre. Après, tu as le moyen de gamme quand même, et au final, bah, le moyen de gamme, si tu regardes combien ça te coûte, ça va te coûter 550 balles de PS5 plus 600 balles de PSVR 2, ce qui nous fait 1150€. À 1150€, tu as une offre moyenne gamme et quand même de la VR, à mon avis, qui peut être de bonne qualité, parce que vu les capacités du PSVR 2, et maintenant avec 1150€, va te monter un PC avec une RTX 2080. Ah ouais. et en plus, tu vas me chercher un casque qui fait de l'eye tracking, qui a de l'OLED RGB, qui a des capteurs de partout et qui est en 4K HDR à 120 fps. Ah, et ben là, on est complètement d'accord que techniquement voilà. C'est t'auras le top du top, y a aucun souci là-dessus. Moi, comme je disais tout à l'heure, en fait, ce qui m'inquiète, c'est les jeux. En fait, tout simplement, c'est ce line-up. Là, par contre, un line-up, ça veut rien dire. Deuxième débat. Ouais, moi, je voudrais quand même rebondir sur un petit truc, c'est que, alors, moi, j'entends tout ce que tu dis, Laurent, mais si leur objectif, c'est de compenser, on va dire, entre guillemets, sur la partie accessoire, même si, bon, le PSVR, c'est, enfin, pour nous, c'est un peu plus, enfin, bref. Je ne comprends pas pourquoi il n'est pas plus mis en avant que ça dans la manière de communiquer. Et qui plus est, s'il faut vraiment en vendre pour renflouer les caisses, là, clairement, c'est pas un prix d'appel, quoi. C'est clairement pas un prix d'appel pour faire venir la masse réponse... aujourd'hui sur PSVR 2, qu'on se le dise. Après, on peut dire ce qu'on veut, c'est pas cher, c'est par rapport à la technologie embarquée, etc. Très bien. Mais comme tu dis, on est dans un univers console où la politique de la console, ça reste quand même d'être accessible à un Exactement. Maximum de gens. C'est ça. Ouais. Et là, avec ce qui est proposé et un prix, même si c'est psychologique, mais justement parce que c'est psychologique, un prix qui est au-delà de la console, donc du hardware principal pour utiliser l'accessoire, il faut se dire que dans la tête de quelqu'un de normal, c'est que c'est bien c'est, au-delà c'est violent, de ce que violent. Ça devrait être, on va dire, c'est violent. Pour l'univers console. Si on doit sortir de l'aspect technique et de l'aspect coût de fonctionnement, coût de fabrication, pardon, et c'est là où pour moi c'est un peu paradoxal de se dire, bon ben ok, on va renflouer les caisses parce qu'on vend la PS5 à perte, celui-là on va le vendre ce prix-là, mais ouais, mais déjà faut en vendre quand même une bonne pelletée pour compenser. Au moins la moitié de ce que tu vends de console. Je pense dans l'histoire du jeu vidéo, je pense que c'est la première fois qu'il y a un périphérique qui d'une console qui augmente a un prix avant supérieur, l'effet de Noël, déjà. Supérieur à la console elle-même. Non, c'est pas ça, Lolo. Non, il dit oui, que mais ça aussi. Bah, il me semble. C'est la première fois. Hein. Ah non, oui, c'est vrai. C'est, alors, je sais pas s'il n'y a pas des volants qui coûtaient plus cher que des consoles, ça devait exister, mais c'était pas pareil. C'était mais je veux dire, officiel du même constructeur, tu vois, parce qu'en général, les volants, mais c'est là, toujours. Je saurais pas dire. Ouais. Il y a ça, et puis c'est la première fois aussi qu'on assiste à une console qui est augmentée 2 ans après sa sortie. Mais d'ailleurs, si vous avez des exemples en commentaire, dites-nous, parce que pour le coup, là, on n'a pas l'info. Mais n'hésitez pas si vous avez des trucs qui vous passent par la tête, des souvenirs. Enfin, psychologiquement, c'est marquant, quoi. Ah ben, c'est marquant pour tout le monde, en fait, parce qu'on vit une époque qui n'est pas standard. C'est le truc qui change tout. C'est que jusqu'à présent, le joueur, il achetait déjà la PS3 à 600 balles. Les mecs, ils avaient dit stop. Là, on a un accessoire à 600 balles. Donc, je vous dis même pas les joueurs qui n'étaient pas intéressés par le PSVR, ce qu'ils doivent dire du PSVR 2 aujourd'hui. Donc, c'est pas comme ça qu'ils vont arriver à démocratiser la VR sur ça moi, nous fait pour peur. Moi, là, mais, ils sont, ils... Alors, ce qui me fait peur, c'est qu'ils fassent encore moins que le PSVR en vente. Si on doit être objectif, les points noirs, on va dire, qui sont évoqués et mis en avant par les joueurs, n'ont rien à voir avec ceux du PSVR 1. Là, on parle le fil. Enfin, je l'ai pas vu ressortir. On nous a pas sorti 600 € en plus. Il y a un fil. Maintenant qu'il y a le prix, il y a plus besoin de parler du fil, en fait. Ou alors très peu. Mais si tu parles du Discord, les gens qui sont sur le Discord de VR for Players sont assez intelligents et assez. Ils savent que c'est la VR. Je parle pas que du Discord. Je parle aussi de ce qui s'est vu. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est rare, voire inexistant, les gens qui disent ce casque, c'est de la merde. C'est aujourd'hui ce casque, c'est trop cher. Voilà. Donc, c'est pour ça que je dis les avis ont évolué, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on ne critique plus le matériel, on critique le prix du matériel. Donc, il y a quand même un point positif dans tout ça. Même les journalistes qui ont eu taillé le PSVR à sa sortie sont tous en train de dire que putain, ça envoie du pâté, quoi. Donc tu te dis ouais, il est quand même cool. Alors je sais pas s'ils ont reçu un chèque pour dire ça, mais je pense pas. Je pense que vraiment c'est un super casque. Il y en a certains qui ont essayé 2 casques dans leur vie aussi. Attends que Canard PC le reçoive. Ouais, aussi. Mais là maintenant qu'il est plus cher, ils vont peut-être pas dire ça. Par contre, ce que tu disais tout à l'heure, tu posais la question que tu comprenais pas, par contre, Majo, c'était quoi déjà la question que tu as posée avant que j'ai pas pu y répondre au sujet Vas-y, au sujet de. C'est ce truc que j'ai. Au sujet du prix que tu ne comprenais pas, pourquoi. Oui, mais si vous voulez compenser les pertes de la PS5. Si vous voulez en vendre, pourquoi ils n'avaient pas mis le paquet? Et justement, moi je suis en train de me demander, franchement, parce que qui c'est qui a annoncé au sujet de Gore-Tex, justement, l'usine chinoise qui est censée alimenter les PSVR 2, mais qui livre aussi les Quest 2 et qui fait plusieurs casques VR. D'ailleurs, Gore-Tex ont déjà communiqué en disant que pour eux, la VR, ça allait les faire exploser. Leur chiffre d'affaires, il est en train de monter à plus 40% grâce au casque VR. Et donc, eux, ils sont déjà bien pris par le Quest 2 et le Quest 3, parce qu'ils les produisent. Alors, le Quest 3, il n'est peut-être pas encore en fabrication, mais en tout cas, le Quest 2, c'est eux qui s'en occupent. Et on sait, d'après Bloomberg, que Gore-Tex devait livrer 2 millions de PSVR 2 à Sony en mars, au mois de mars, alors que le casque sort le 22 février. Donc, ce que je me demande, c'est est-ce qu'ils ont réellement les... Là, pour l'instant, là, on s'aperçoit que les précommandes, finalement, il y a 3 personnes sur 5 qui reçoivent pas le mail de précommande. Et je me demande s'ils n'ont pas, en fait, pas du tout de stock. Et qui, en fait, ils vont fonctionner en 2 phases. Et que ça va pas être... Dans la tête du joueur, c'est un lancement, il est lancé, c'est terminé, allez, c'est parti. Mais pour Sony, ça va pas marcher comme ça. Il va y avoir une première phase où ils vont dire... Il sort le 22 février. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va balancer peut-être 100 000 casques ou 50 000 casques en France, pas plus, parce que Gore-Tex ne peuvent pas nous en livrer plus. On va les lâcher à tous les influenceurs et tous les mecs hardcore gamers et tous les fans de VR et tout ça, ils vont s'y jeter dessus. Et on va utiliser pendant 6 mois ces personnes-là, donc nous, pour communiquer sur le PSVR 2. Mmh. Voilà. Comme ça, les gens... Parce que le problème qu'on a là, c'est qu'on a un prix, on a 600 balles, mais on a un line-up qui est un peu... voire même très pauvre. Timide. Et du coup, le souci, c'est... Voilà, les personnes, en fait, la barrière du prix, elle est existante. Je dirais pas très, mais plutôt timide. La barrière du prix, elle est bien existante. Par contre, le souci qu'ils ont, c'est que ces gens-là, pour l'instant, ils se disent, qu'est-ce que je vais avoir si je débourse 600 balles ? Et là, ils vont compter pendant 6 mois à tous ces acteurs, tous ces gens qui vont acheter ce PSVR 2, les premiers early access, les premiers acquéreurs. Early adopteurs. Ces gens-là, ils vont aller sur YouTube, ils vont faire des vidéos à gogo, ils vont tester les premiers jeux, ils vont montrer ce qu'il y a. Et c'est sûr que, de toute façon, un truc comme ça sortir le 22 février, je vous rappelle que qu'est-ce qui est sorti le 22 février ? C'est la première PS Vita. elle est sortie le 22 février 2012. C'est la pas. PSP. Donc, ah non, la première PS Vita. La première PS Vita. Ah oui, donc oui. Écran OLED. Fallait pas le dire ça. Le destin funeste. Et le 22 février en Europe, en France, elle est sortie le 17 février. Mais on était les seuls à l'avoir avant tout le monde. On l'a eu en même temps que les Japonais en France, la première PS Vita. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas une date pour lancer un truc, le 22 février ou le mois de février. La vérité, c'est qu'au départ, ils voulaient certainement le lancer pour les fêtes de Noël. Et là, ils auraient mis le paquet avec la Paris Games Week et des showcases et tout un tas. Et là, ils se sont dit, mais maintenant, c'est foutu. On peut pas le sortir à Noël 2022. Donc, on va quand même le sortir en deux phases. Première phase, en février. En février, de toute façon... Après il y a l'été qui arrive, le printemps, les gens ils vont pas forcément se défouler dessus. Par contre, on va s'en servir pour informer les gens pour ce qu'ils vont avoir pour 600 balles. Et le vrai lancement de ce PSVR 2, il va arriver en septembre-octobre 2023 pour les fêtes de Noël. Et là, tu vas voir qu'il va y avoir le line-up où ils vont nous lâcher du GT Sport, ou du GT 7 plutôt. Ils vont nous lâcher peut-être un Half-Life Alyx, ils vont nous lâcher des trucs, ils vont nous faire un showcase. Il y aura un stand de présentation du PSVR 2 à la Paris Games Week, par exemple. En tout cas, ils vont lâcher la grosse communication avant les fêtes de Noël. Pourquoi ? Parce qu'à cette période-là, il y a le Quest 3 qui sort aussi. Et il y a le casque d'Apple qui arrive également. Le casque d'Apple, on s'en fout, il va coûter 4000 balles. Mais par contre, le Quest 3, s'il arrive à 500 balles, je peux te garantir que le fait qu'on ait accepté le casque à 600 balles maintenant, qu'on va peut-être mettre 6 mois à le digérer, si en octobre, ils te disent qu'il coûte plus que 550 balles, les gens, ils vont applaudir. Ils vont être contents. Est-ce qu'on peut dire encore qu'on est dans l'expectative et, oui, qu'on fait des suppositions et qu'on est quand même. C'est sûr, à fond. Et qu'on est quand même en train de se dire que le casque va sortir, mais que la communication n'est pas faite alors qu'il sera là, quoi. Disons qu'ils n'ont aucun intérêt. Ils ont aucun intérêt à dépenser de l'argent pour communiquer en février. Non, mais c'est bizarre. Ça servira à rien. Non, c'est trop bizarre en fait. C'est donner un petit peu des circonstances atténuantes à Sony, et moi je suis pas trop d'accord. Non, parce qu'il y a un autre cas de figure qu'on n'a pas parlé, c'est qu'à ce prix, on se retrouve face au syndrome de la PS3 et que le casque ne démarre pas en février. Imagine, il y a les précommandes qui sont pas remplies. Peut-être qu'ils refont une PS3 like, hein, c'est-à-dire qu'en fait, un truc qui se plante dès le départ, qui est mal vendu, qui est mal communiqué. Ou une Vita, et la Vita, 22 février, qui est sortie, était trop chère. Sauf que la grosse différence entre la PS3 et la Vita, c'est que la PS3, en fin de génération, elle a réussi à démarrer. Ouais. La Vita, elle est morte, elle était abandonnée. La Vita, la différence, c'est que quand elle a démarré au 22 février, elle ne se vendait pas, sauf au Japon. Il a fallu quand même que Sony fasse appel ils ont même fait des préférences sur certains coûts de développement au niveau des studios pour qu'ils fassent des jeux dessus. Et après, par contre, elle est partie un petit peu. Je crois qu'elle a fini à 14 millions. Je ne sais plus combien elle avait, la PS Vita. Mais elle est montée un petit peu par rapport à la PSP. C'était même pas la peine. Mais l'autre cas de figure, donc admettons qu'il y ait les deux phases, comme je disais tout à l'heure, il est aussi tout à fait possible que ce PSVR 2 ne se vende pas. Et s'il ne se vend pas, qu'est-ce qu'ils vont faire, Sony ? Première solution, ils vont dire, bon, on est déjà bien assez dans la merde face à Microsoft, donc on va arrêter toute cette connerie de la VR, et puis on va laisser nos studios travailler sur des jeux plats pour justement contrer le Game Pass et tout ça, et on va vendre des abonnements sur leurs offres. et on va vendre des abonnements. Alors l'autre solution, c'est qu'ils vont dire, bon, c'est vrai, c'était peut-être un peu cher, boum, allez hop, l'année suivante, on va se taper l'écran LCD, un seul écran à la place de deux écrans OLED. Et là, bien sûr, bah, les gens seront contents parce qu'ils auront un casque à 399, mais on aura perdu l'OLED. C'est pour ça que je préfère le prendre maintenant. Et puis, voilà. Le souci, c'est que c'est toute une boucle, parce que si les PS5 aussi, c'est super important. Imaginons que là, Phil Spencer arrive à faire remonter les Xbox à un point où Xbox commence à dépasser PlayStation, voire le surpasse largement. Plus il y a de PS5, moins il y a de PS5 de vendus. Bah forcément, moins il y a de PSVR 2, et moins il y a de PSVR 2, moins il y a de développeurs qui vont être intéressés par le support, et ben moins il y a de jeux. Donc au final, ça peut être aussi quelque chose qui va se laisser mourir. Alors, puis on peut aussi imaginer que Sony, ils se disent carrément, ils ont peut-être déjà lâché le PSVR 2 en se disant, bon, ben, il est fait, il est produit, il est quasiment lancé, on va en le sort. Là, quoi. Et puis on dira, ça n'a pas marché. Ouais, Majo. Souviens-toi, alors déjà, ce discours, on l'avait eu aussi pour le premier PSVR, à l'époque où il sortait plus rien dessus, il y avait eu le calme plat, le silence radio, et c'était avant la sortie du Quest 2, si je dis pas de conneries. Le Quest 2 a relancé la hype. De galère. Le Quest 2 a bien relancé la hype, et mine de rien, on peut dire ce qu'on veut, je pense qu'il a quand même sauvé le game. Parce qu'il y a eu énormément de jeux issus de l'autonome qui sont arrivés sur le PSVR. Alors après, voilà, bon, avec la qualité, les qualités et les défauts qu'on leur connaît, mais mine de rien, ça a quand même un peu relancé la hype. Oui. Pourquoi ça a relancé la hype ? Parce qu'il était vendu à perte et qu'il s'est distribué à 17 millions d'unités. Donc c'est un parc de fou, quoi. Oui, t'es développeur aujourd'hui, non, tu non, peux non, pas passer à côté non, de non, ça. Mais je te parle quand même de l'univers de l'écosystème PSVR où parce que il y avait des jeux sortis sur autonome, réussissait quand même à arriver aussi sur le PSVR, ce qui a permis aussi d'alimenter le catalogue et de fournir des jeux à ceux qui avaient un PSVR. Pour ceux qui l'ont pas mis au placard et qui ont acheté un Quest 2. Cela dit. C'est vrai. Il y a aussi l'effet inverse où on a eu une grosse partie des jeux qui n'étaient pas adaptés alors que c'était possible à cause des contrôleurs, à cause des moves. C'est vrai aussi. Et de devoir aussi composer avec la manette, proposer un gameplay manette pour ceux qui n'avaient pas de moves, etc., etc. Ce que je vois moi surtout, c'est que certes, ce PSVR 2 est très cher, ok. Dans l'absolu, tu dis il va pas se vendre. Enfin, il est possible qu'il se vende pas et que dans ces cas-là, ça soit mis au rebut, etc. Moi, je vois plutôt le fait que aujourd'hui, ce PSVR 2, il correspond quand même plus à ce qui se fait dans la norme des casques actuels, avec un petit plus de techno, notamment bon, l'ice tracking qui arrive aussi sur d'autres casques, puisque on en parle aussi sur le Quest 3. Mais aujourd'hui, il est carrément solide, quoi. Aujourd'hui, qu'on se le dise, le casque, le PSVR 1, le casque en lui-même, technologiquement, il était formidable. Je persiste, je le dis. En 2016, oui. Mais même maintenant, je le dis encore à chaque fois, sur la PS5, le PSVR, il fait largement le travail. Cela dit, le pire ennemi de ce casque, c'était les contrôles. C'était les moves et la caméra, et le tracking. Plusieurs développeurs en ont parlé. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Tu as des contrôleurs avec des joysticks, tu as des contrôleurs qui sont traqués de manière standard, on va dire, sur tout ce qui se fait aujourd'hui dans le monde de la VR. Alors oui, certes, il y aura de l'évolution, mais il y aura toujours, je pense, ou du moins plus longtemps, ce type de tracking et de modèle de gameplay. Et de ce fait, le PSVR 2 sera beaucoup plus facilement adapté. Enfin, les jeux seront plus facilement adaptables sur PSVR 2 que ce que ça ne l'était sur PSVR 1. Oui, carrément. Et déjà, à partir de là, ça permettra d'avoir un catalogue beaucoup plus fourni. Et plus facilement. Et je pense que la durée de vie du coup, de ce casque sera surtout beaucoup PC. Plus longue que ce qu'a été la durée de vie du PSVR 1. S'il y a des jeux PC, oui. Je pense qu'il a... Mais même s'il y a des jeux Quest... parce que les jeux Quest 3, même Quest... Enfin, aujourd'hui, tu vois, il y a non, quand même je... des... Parce que Moi, je prends. Non, mais tu vois, on en parlait tout à l'heure. Il ne faut pas comparer le Quest Pro à un Quest 2 ou même un PSVR. Sauf que tu as des développeurs comme Red Matter qui ont optimisé leur jeu pour Quest Pro. Donc, c'est pas les Quest pros qui 2. Jouent à des jeux. Quest non, 2 Non, ils ont... Oui, mais il a été aussi optimisé pour Quest Pro pour qu'il soit, il tourne mieux sur Quest Pro, si tu veux. Donc, oui, du coup, mais ça c'est en vue de le porter sur Quest 3. Oui, surtout, ouais, je pense. Bah, enfin, en attendant, c'est quand même un jeu parce que qui Quest est, 3, il sera pas avec une, le Quest 3, il sera pas en XR2. Hein. Le Quest Pro, il est en XR2 Gen 1 ou Gen 2, c'est non, le nouveau, c'est là, un, le, non, le nouveau c'est, XR2. C'est un, C'est un XR2 Plus boosté, customisé. Mais c'est un, le Quest 3, il aura aussi une puce qui sera quand même beaucoup plus puissante que le Quest 2. Donc à mon avis, le travail qu'ils font sur le Quest Pro, ils vont le reporter sur le Quest 3 à mon avis. Oui, mais ça pourra forcément pas être la même chose à partir du moment où le prix du casque est pas le même comparé à la fourchette qui a été annoncée. Si tu veux, il y aura forcément des trucs qu'il y aura pas. C'est l'eye tracking. Ça pourra pas être le même. Je sais pas, mais enfin bref, ce que je veux dire par là, c'est que ce casque aura une durée de vie, du coup, sur la PS5 qui sera beaucoup plus longue. Et en plus, alors, vu la génération de consoles qu'on se paye aujourd'hui, au bout de 2 ans, ça rame. On peut pas dire qu'elle est... Ça rame. Elle a démarré, mais bon, c'est timide. On est encore très très à cheval sur la génération d'avant. Oui, encore une fois. Encore une fois, petite parenthèse à ce sujet-là, nous, on se calque par rapport à ce qu'on a vécu sur PS2, sur PS3, sur PS4, en se disant, au bout de 2 ans, il y avait beaucoup plus de jeux qui étaient lancés, des jeux natifs, pas des jeux rétro-compatibles ou quoi que ce soit. Le souci, c'est qu'en 2 ans, normalement, la PS4, elle était à plus de 40 millions d'exemplaires vendus. Là, aujourd'hui, on est à 25. C'est pour ça, Laurent, ce que je te dis, c'est que cette génération de consoles, elle va durer longtemps. Soit elle dure plus longtemps parce qu'elle n'a pas été rentable, soit on l'occulte totalement et on passera à la génération suivante. Chose dont je doute, mais enfin bon. Du coup, je pars du principe que si on a réussi à faire 6 ans de vie, et même de on va dire 3-4 ans de survie du PSVR, je pense qu'on peut largement faire avec le matos qui est proposé 6-7, voire, j'exagère, 8 ans. C'est pour ça. Tout en ayant un casque qui sera encore largement acceptable sur la fin de sa carrière, si tu veux. Voilà. Et j'insiste, le PSVR aujourd'hui, visuellement et techniquement, si tu mets toute la partie contrôle de côté et tracking, il est ultra qualitatif. J'insiste. T'as qu'à jouer à Hitman 3 sur PSVR et tu le mets à côté sur PC. Oui, sur PC, apparemment, il est pété de bugs. Ouais. Bah non, mais il n'est pas fou par rapport à la version PSVR, quoi. Ça, c'est un problème de développement. Là, c'est encore autre chose. Mais tu prends des jeux, No Man's Sky, tu prends Dreams, j'en oublie d'autres. Non, mais c'est vrai. C'est des jeux qui, tu les prends sur PS4, ils étaient dégueulasses. Mais on disait qu'ils étaient dégueulasses parce que le casque était pourri. Alors qu'en fait, pas du tout. C'était le hardware qui suivait pas. Mais aujourd'hui, t'as un hardware qui tient la route avec un casque, certes, qui a 6 ans. Mais dans ta logique, tu mets ça à côté, enfin, je veux dire, ça n'a rien à voir. Dans ta logique, et ce qui est tout à fait possible, parce que c'est vrai que là, maintenant, de la 4K HDR à 120 FPS, je suis sûr que ce casque-là sur PS6, il tournera, mais nickel. Et puis, on aura une image qui sera relativement belle. À quoi ça sert d'avoir un casque 8K aujourd'hui? Parce que finalement, ce qui nous choquait, c'est de balancer du 1080p dans un casque. Oui, ça piquait les yeux. Maintenant, en 4K, c'est propre. Ce qui est important, c'est pas avoir de la 8K devant les yeux, en fait, c'est d'avoir une échelle de résolution importante. Sur les et jeux. Les FPS. Et du coup, c'est la machine derrière en fait qui gère ça. Il y a aussi l'effet de gris qui commence à s'atténuer aussi de plus en plus avec les nouvelles générations de casques. Même sur le LCD. Qui est toujours perceptible quand même sur le PSVR actuel, qui visiblement existe toujours un peu sur celui-là, mais bon, on verra quand on l'aura. Je peux te dire, augmente l'échelle de résolution sur un casque avec une grille qui est un effet de gris important. Tu montes l'échelle de résolution, je peux te dire que l'effet de gris. Tu l'oublies complètement. C'est tellement net et précis dans ton jeu que. Bien sûr, non, mais bien sûr, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est pour ça que je te dis, là, ils en parlent, mais aujourd'hui, enfin, moi je l'ai pas testé, donc je peux pas dire si tu veux. Mais c'est quand même quelque chose qui évolue avec le temps, et je pense que malgré tout, ça sera très peu perceptible. J'ai essayé des casques qui ont une résolution moindre que celui-là, et je pense que ça sera quasiment pas perceptible. Mais ce que je veux dire, enfin, j'insiste, je suis sûr que ce casque, en fin de vie, il sera encore tout à fait viable et il le sera bien plus que ce que n'est le PSVR aujourd'hui. Ah, mais c'est sûr. Qui a quand même fait 2 ans sur PS5, quoi. Il faut quand même le dire, ça fait quand même deux ans qu'on joue avec sur PS5. 2017, on chialait déjà sur les PS Move, quand même. Hein. Ah oui, bien sûr. Je me rappelle de Skyrim, on était en train de chialer sur les PS Move. Moi, je vois vraiment... Je vois vraiment la durée de vie différente et même si justement il n'y a pas assez de casques vendus, ce dont je doute, on peut espérer aussi cette histoire pour la fin d'année prochaine, mais même s'il n'y a pas ça, il y aura toujours cette histoire de jeu porté et le casque survivra et pourra peut-être avoir une deuxième vie. La Vita elle n'a pas survécu. Pourquoi? Parce qu'en face il y avait les La Vita c'était un hardware à part, c'est différent. Oui. Elle, oui, non, mais c'est justement ce que je suis en train de dire, c'est qu'elle n'a pas survécu. Tout n'était pas adaptable sur la Vita. Parce qu'il y avait, les téléphones, et puis au final, ils ont dit que ça ne sert plus à rien. Là, la différence, c'est que si sur ce casque-là, il est aussi utile pour récupérer un peu d'argent sur les pertes de la PS5, ça veut dire qu'ils ne vont pas le couper comme ça. Ça veut dire qu'ils vont le laisser. Ils vont le jour où justement il rapportera plus rien, c'est là qu'ils vont couper la branche. Tant qu'il est encore utile à la PS5, ils vont le laisser, même s'ils en vendent peu, parce qu'ils savent qu'avec ça, ils font du bénéfice. Parce que l'argent ne vient pas des jeux. Là, il vient sur chaque casque vendu. On gagne temps. Alors, on continue à en produire. Ouais. On n'a pas encore le prix des jeux. Bah, non, mais ils vont peut-être marger sur les jeux également. On ne sait pas si ça se trouve, parce que là, Horizon Call of the Mountain à 50€ dans le pack, ça veut dire qu'il sera peut-être vendu 60 ou 70 balles. Ça sera peut-être vendu 60 ou 70. Je pense que ça sera 10 balles. Non, il a 50 balles dans le pack. Ouais. Donc après, non, mais il y a tellement de cas de figure possibles, à mon avis. Bon, il ne faut pas se mentir, ils n'ont pas sorti ça pour qu'ils se viandent. On sait quand même qu'ils ne sont pas fous. Par contre, c'est possible qu'ils aient, par exemple, fait une table de réunion qui se soit dit allez on le met à 549 et il y en a un qui a dit on le met à 499, ils ont des marges et là ils ont dit t'as vu ce qu'on perd à côté avec la PS5 et imagine le prix des composants, parce que c'est pas terminé, le prix des composants il peut encore monter, donc si ça se trouve elle va encore se prendre 50 balles dans 2 ans, on sait pas, et du coup ils se sont dit avec ce qui se passe sur la PS5 et en plus là, les gens râleront plus, le casque aura le même prix que la console, donc c'est bon. Voilà. Mais disons que voilà, moi ce qui me soulage dans cette histoire, c'est qu'au final, il est en soutien. Il y a une marge qui est faite. Et cette marge, si on calcule un petit peu, qu'on s'amuse à reprendre le Rift qui avait été démonté à 206$, ils avaient estimé les composants à 206$. Et là, on s'amuse à faire le chien et on augmente ce coût. Donc, on lui fout déjà 50% sur l'ensemble de ses composants, sur l'ensemble du casque. Donc, déjà, tu tapes les 320$. Et puis tu rajoutes la recherche et développement, tu mets 40 millions de dollars, ça te fait 200 techniciens payés 4000 balles par mois pendant 4 ans. Donc tu rajoutes ça, tu fous 100 millions sur le marketing pour l'instant il est inexistant, tu rajoutes encore 40, allez tu arrondis tout, tu fais bien le gros charognard, tu fais un casque à 400 balles en sortie usine, tout compris. 400€, il reste encore 200 balles de marge. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que sur ces 200 balles de marge, il y a Sony qui ont aussi communiqué que si certains studios, des petits studios, n'avaient pas les moyens de porter des bons jeux du PSVR au PSVR 2, c'est Sony qui va le financer. Donc quand tu achètes le casque, tu achètes aussi une marge qui va servir à ça. Ça, c'est Shuhei Yoshida qui avait dit qu'avec la marge, il récupérait également. Donc, il l'avait dit pour le PSVR. Il disait c'est bien de vendre un PSVR à marge. Donc, ça, il l'avait dit en 2016, de vendre un PSVR avec une marge. Parce que grâce à cette marge, on peut financer les studios qui n'ont pas de sous. Si on voit que le jeu, il est porteur, eux, ils vont gagner 30% sur le jeu. Donc, eux, ils vont sortir les ronds au petit studio pour lui dire bon, bah, je te le paye, tu vas me le convertir en PSVR 2 et c'est moi qui récupérerai après les sous. Donc, il ne faut pas croire qu'ils se remplissent les poches avec ça, parce que si sur les 200€ de marge, il y a une partie qui part pour la PS5, une autre partie qui part pour les studios, c'est le principe du cercle vertueux. C'est ça, il faut vraiment voir l'ensemble des produits PlayStation comme une unité interdépendante, et quand ils voient qu'il y a un produit qui ne marche pas, et ben ils augmentent les autres. Et après, ce qui va arriver, ce qui va me faire peur sur cette première année, c'est si Sony ne communique pas les ventes. On va dire au bout de 6 mois, on avait déjà les ventes de PSVR. Par exemple, il y en a beaucoup qui disent que 2 millions d'exemplaires, c'est énorme. Je ne sais pas si c'est à 6 mois, mais je crois qu'on avait, à partir du premier million, je crois qu'ils l'avaient annoncé les ventes. À 750 000, on le savait. C'était à 6 mois, parce que de toute façon, à 14 mois, on était à 2 millions d'exemplaires vendus sur le PSVR. Donc, ce qui veut dire, il y en a beaucoup... Excusez-moi, hein. Je suis encore là. Ah mais t'étais là, ça y est. Ouais, j'étais là, salut. Ouais, salut, c'est ça y est. Moi, je pense qu'on a déjà quand même bien fait le tour. Je pense qu'on aura aussi surtout pas mal l'occasion de voir un petit peu la stratégie de Sony et voir en termes de communication si ça a payé ou pas dans les prochains épisodes. Je rappelle notamment qu'il y a tous les dossiers de Laurent que vous pouvez retrouver sur... on parle plus d'articles, hein. En ce moment, c'est vraiment dossier sur dossier sur dossier sur dossier qui sortent sur... Il n'y a pas de jeu, donc on fait des dossiers. Quoi. Qui sortent sur VR4Player, donc n'hésitez pas surtout à y aller. Je pense qu'on va s'étendre un petit peu plus après sur ce qu'on pense à nouveau du prix. Là, c'est vraiment nos avis à froid. On va pas trop non plus rentrer dans les détails dans cette émission. Faut en garder un petit peu sur le coude pour les prochaines. Là, ce que je vous propose, c'est peut-être de voir un petit peu les jeux qui ont été annoncés. En tout cas, qu'on sait qu'ils seront au line-up de lancement du PSVR 2. Il y a des choses dont on va parler surtout des 11 derniers qui ont été balancés en même temps que la sortie du casque. C'est ça. Bon, les autres, on les connaît. On les connaît déjà. Voilà. Si on oui, Horizon, mais, oui, mais Vino, on n'a pas de date. On n'a pas de date, donc on ne sait pas s'ils sont sur le line-up. Ouais, mais on peut quand même essayer de essayer d'en parler un petit peu, notamment. Alors. Si je peux me permettre, on n'a pas de date. Il y a eu une fuite aujourd'hui sur Twitter comme quoi No Man's Sky serait un jeu de lancement et profiterait donc d'une upgrade gratuite vers sa version PSVR 2 pour ceux qui posséderaient le jeu. Super cool ça. Sur PSVR et PS4 et PS5 traditionnels. Ça, ce serait top parce que je l'ai et j'ai dû jouer 10 heures parce que c'était flou, donc je serais super content de pouvoir. C'est un peu de la merde quand même. Sur PSVR. Donc, ouais. Donc le leak, alors j'ai cherché, j'ai pas retrouvé l'info. Le leak, c'est. Alors je l'ai vu sur PSVR Underground, c'est directement sur l'appli PlayStation dans la partie information. Donc dans les news qui a popé, il y a une capture d'écran propre. Moi, j'ai pas remis la main dessus, quelle que soit la version du PS Blog sur laquelle j'ai été ou sur l'appli. Donc, je peux pas vérifier aujourd'hui et vous dire que c'est 100% vrai. Maintenant, on en a déjà parlé, c'est quand même relativement probable que la version PSVR 2 soit sans surcoût, puisque c'est la politique d'Hello Games depuis la sortie du jeu. Sur toutes les versions qu'on a eues, que ce soit la version PS4 vers la version PS5. Donc, là-dessus, j'ai peu de doutes, mais par contre, c'est sur la partie jeu de lancement, donc du coup, qui serait sorti avec le casque. Ça aussi, c'est pareil, c'est précisé dans cette capture d'écran là, de PSVR Underground. Donc pour le coup, bonne nouvelle, et donc vraisemblablement, No Man's Sky sera un des jeux de lancement de ce PSVR. Bonne nouvelle. Voilà. Donc c'est bien, Majo, tu as parlé, comme tu l'as annoncé, de jeux qu'on ne connaissait pas, à savoir No Man's Sky, bien évidemment. Resident Evil 8, dont on ne parle jamais. Non, mais parce qu'on disait, on ne sait pas si c'est des jeux de lancement ou pas, donc là, on a quand même une info qui nous oriente vers le fait que ça sera que celui-là, en tout cas, sera un jeu de lancement. Non, c'est cool. Quoi qu'il en soit, c'est vraiment cool. Et avec des Call of the Mountain. Et Call of the Mountain, bien sûr, puisqu'il est vendu avec le pack. Voilà. Et Village, Resident Evil 8 Village, on va pas en reparler. Walking Dead, Saints and Sinners, Retribution, on va pas en parler non plus. No Man's Sky, on en a parlé. Firewall Ultra, on en a parlé aussi. Star Wars, Tales from je sais pas parlé. Quoi, mon cul, là, on en a parlé. The Galaxy Age. Demeo, on connaît. Cities VR. Oh. Il y a pas mal de jeux Quest, en fait, justement, qui vont sortir aussi sur PSVR 2. Cities VR. Ah non! C'est la Enhanced Edition. Ouais, ok. Donc ça veut dire qu'en fait. C'est la version plus. C'est qu'il y aura peut-être des textures un peu plus fines, vite fait. T'auras des effets de lumière. Un peu plus lisses. Mais ce sera globalement le même jeu, hein, quoi qu'il en soit, dont on n'a absolument pas entendu parler sur PSVR. On est peut-être super mauvaise langue et peut-être que ça va être super chouette, hein, mais. Un city builder en VR en mode God Game. Ouais. Les cities sont très bons. Ça peut être chouette. Ils ont enterré SimCity. Ce que je veux dire, c'est que Fast Travel Games cette semaine a quand même pris la peine de tweeter. Donc je pense qu'ils ont dû se prendre pas mal de petits commentaires sympathiques. Ils ont quand même pris la peine de tweeter et de dire que Cities VR serait bien une version repensée pour le PSVR 2. Ils l'ont bien précisé. Tout comme Star Wars avec le nom super long Tales from the Galaxy Edge, voilà, tout comme les doutes qu'on a eu sur Saints and Sinners où on a eu un trailer dégueulasse PSVR 2 et ça nous a fait pas mal rager qui mais sort au final, aussi sur PSVR 1 ouais. Et oui, en plus. Rappelons-le. Et en plus, donc on n'a pas la rétrocompatibilité, mais on va avoir les inconvénients de la rétrocompatibilité. Donc, par contre, moi, ce que je retiens, ce qui me fait un petit peu changer d'avis sur ce truc-là, c'est que quand même, il y a eu des journalistes qui ont été invités à Londres pour essayer le PSVR 2. Et Julien Chaise, notamment, dans une de ses vidéos, quand il a vu le trailer de Retribution, sa réaction, elle a été mais directe. Elle a dit, mais moi, j'ai pas joué à ça. Moi, le mien, il était vraiment, vraiment, vraiment plus beau, quoi. Il a vraiment insisté là-dessus. Moi, je trouve que tu parles un petit peu trop de Julien Chiez dans cette émission. Ah bah parce que il a pu l'essayer, donc si tu veux que mon humble avis. Donc moi ce qui m'inquiète là, c'est qu'au niveau com, les mecs ils ont balancé des trailers merdiques pour dire qu'il y avait le jeu parce qu'ils avaient même pas fini de faire le trailer. Donc je suis en train de me dire qu'en fait les développeurs ils en sont vraiment qu'au début de développement et que des jeux ils ont même pas un trailer pour une annonce officielle. Ils balancent des jeux Quest. Donc Cities VR, là cette semaine Fast Travel Games ont pris la parole. Ils ont dit qu'également ce sera un jeu, il sera repensé pour le PSVR 2, donc on va voir ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils veulent dire que ce sera le même jeu mais repensé pour eux? Est-ce que ça veut dire qu'ils vont utiliser les commandes haptiques ou les machins, tous les éléments qu'on peut utiliser, ou est-ce que ça veut dire que visuellement il sera plus beau? Ça j'en sais rien. Ouais, on verra quoi qu'il en soit. Je parlais tout à l'heure des jeux qui me hypaient, hein. Des exclus sur PSVR 2, Village, Resident Evil 8, moi je l'ai déjà fait, enfin, même si c'était qu'un mode, j'ai déjà fait sur PC, donc du coup ça m'intéresse pas des masses, même si je sais que ça serait une version bien améliorée par rapport au mode. Mais bon, il y a Horizon. Il y a pas si longtemps que ça, t'as dit que tu le referais. Sur quoi? Sur PSVR 2? Sur PSVR 2. Ah non. Ouais, mais il y a pas si longtemps de ça, il a dit qu'il allait attendre, qu'il prendrait pas le PSVR 2. Ah non, non. Ah non, je l'ai pas dit ça. Ah, tu me retrouves la bande, hein, parce que là, non. Je retrouverai, ça y est. J'ai 15 jours pour ça. Parfait, ça marche. On réglera nos comptes. Moi, il y a Horizon, même si j'ai un petit peu des réserves sur ce jeu-là. Ça reste quand même un jeu estampillé Horizon qui me dit bien. Il y a Firewall Ultra, parce qu'on a quand même passé des très très bons moments sur la première version. Même si... J'espère qu'il sera cross-platform. Ouais, le fait qu'il n'y ait pas de aim controller, à mon avis, ça sera un gros moins sur ce jeu-là. Et puis, quand même, il y a aussi Dark Pictures Switchback VR. Switchback VR. Qui est en gros Until Dawn Rush of Blood 2. Hein, c'est-à-dire que c'est un jeu où tu es dans un petit wagonnet, voilà, un train fantôme, en gros, avec une grosse ambiance et tout. Sachant qu'en plus, les Dark Pictures. Super massive. De Supermassive Games, c'est la nouvelle, maintenant qui a 2 ou 3 ans, licence du Supermassive Games, et qui va vraiment dans tous les sens et qui peut avoir des univers totalement différents. Je pense que ça sera beaucoup moins centré sur une seule ambiance comme Rush of Blood 1. Donc celui-là, franchement, il me dit bien. T'as aussi Crossfire Sierra Squad. Attends, Rush of Blood qui profite donc de ce qu'on disait tout à l'heure de l'eye tracking, ouais. Où tu clignes des yeux. En fait, tu as un passage. Alors, je sais pas si vous aviez fait comment ça s'appelle, Doctor Who, The Edge of Time. Non. Il y avait un passage donc avec les anges. Les statues. Et justement, en fait, tu avais à un moment, tu étais dans un couloir noir où tu avais un ange au bout, tu te retournais, tu visitais un peu, tu retournais la tête, et là, l'ange avait avancé sans qu'il fasse de bruit, sans rien. Et tu avais cet effet qui faisait bien flipper pour le coup. Et là, ils ont poussé le vice encore plus loin dans celui-là, parce que c'est carrément donc avec l'eye tracking où quand tu clignes des yeux, du coup, tu ne vois plus rien et les personnages vont se déplacer en même temps horrible. Que tu clignes des yeux. Donc. Là, ils ont encore poussé le vice un peu plus loin dans l'horreur, voilà. Putain, t'imagines, et donc c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, donc cette partie eye tracking qui était utilisée pour le gameplay. Et là, effectivement, c'est quelque chose qui est plutôt intéressant. Ouais, carrément. En tout cas, moi, je l'attends beaucoup. Même si le trailer m'a un petit peu déçu, il y a quand même pas mal de clipping. T'as des bugs de collision. Le trailer est pas très beau, hein. Ouais, des collisions de textures qui sont pas très heureuses. Ouais, je l'ai trouvé flou. Alors, est-ce que c'est un trailer PS4? Ouais, c'est pas un trailer PSVR. Non, quand même. Par contre, moi, ce qui me plaît là-dedans, c'est que Supermassive, quand même, ils ont quand même communiqué il y a pas si longtemps pour dire que leur prochain jeu ne serait pas VR, et que là, on se tape un Switchback VR qui déboule de Supermassive. Donc, il y a un autre studio, c'est London Studio, qui a dit il y a pas très longtemps, notre prochain jeu, il sera pas VR. Mais s'ils font comme Supermassive, ça veut dire qu'on va avoir un London Studio qui va sortir, quoi. Voilà. Donc, Demeo, ça en aura déjà parlé. Et donc, oui, Crossfire Squad, CRA Squad, qui a l'air d'être ce qu'on attend depuis un petit moment aussi, c'est-à-dire un mode solo coop de Call of, mais en VR, quoi. Et qui a l'air ultra beau, quand même. Hein. Ah, celui-là, oui. Putain, celui-là, oui, il m'a scotché, celui-là. Il sort du lot, quoi. C'est un des trucs que je mettrais à côté d'un Horizon et d'un Resident Evil, parce que je sais pas si le trailer est abusé et que le jeu va pas durer. On se rappelle de Ark Park, hein, mais s'il nous sort ça dans le casque, je crois que ça va. Je crois que même Firewall pourrait s'inquiéter si le gameplay vaut le coup. Firewall, c'est pas vraiment la même proposition. En même temps, Firewall, c'est un jeu multi. Alors Firewall, c'est plus de la simulation d'assaut. On n'a rien vu de Firewall. Non, mais le principe du gameplay Firewall, on le connaît. C'est de l'assaut, c'est du 4 contre 4. Ça reste de la progression timide et efficace. Rainbow Six. Là, on est quand même sur quelque chose qui est beaucoup plus percutant, beaucoup plus spectaculaire. Ouais, action. Voilà, exactement. Notamment, il parle... Peut-être même scénarisé, d'ailleurs. Ouais, je pense. Il parle d'une quantité d'ennemis quasi illimitée. Alors, il y a un petit scénario. Ça me plaît pas. On incarne le chef d'une force d'élite en plein milieu d'une guerre visant à récupérer une arme biochimique top secrète, récemment découverte. Qui a créé cette arme et dans quel but? Voilà, enquête de vérité. Donc, moi, c'est un coup des Russes. Il va falloir au-delà de tout ça pour découvrir qui, pourquoi, comment. La base d'un scénario bien ficelé, comme on dit. Ouais. Des questions existentielles. Tom Clancy, mais en moins bien, quoi. Voilà, c'est... il y a un petit scénar pour le coup, mais bon, c'est toujours pareil. C'est un trailer. Un seul homme pourra sauver le monde. Ouais. On n'a rien vu, mais en tout cas, le trailer, il envoie du bois. Techniquement, ouais, il envoie du lourd, hein, c'est clair. C'est très très beau. Il y a de la particule, il y a de l'explosion, il y a de la physique, il y a des impacts de balles sur les murs, il y a des fenêtres qui pètent. Voilà, on est vraiment sur beaucoup de petits détails comme ça qui enrichissent l'immersion. Il y a de la technologie, parce que le mec sur l'affiche, il a quand même des lunettes des lunettes nocturnes, là, de vision de nuit. Et des night vision. Et il y a peut-être même de la visée au regard ou des choses comme ça sur certains. Ça a vraiment l'air d'être un next-gen en jeu, quoi. Et c'est, je le répète, ce qu'on veut depuis le début de la sortie du PSVR, enfin en tout cas moi j'en ai parlé déjà dans une des premières émissions de autour d'un VR, un solo de Call of en VR, et c'est complètement ça, j'ai l'impression. Donc voilà, très très content. Oh, bah, y avait Sniper Elite quand même qui était pas mal. Ouais, d'accord, mais oui. dans cette idée là mais tu vois, dans Sniper Elite t'as quand même le côté sniper un peu voilà, tu dois viser, c'est Elite. Quand même un petit peu plus posé comme ambiance que le côté débilos arcade. Il y avait Farpoint ultra spectaculaire, ultra scénarisé, mise en scène on va dire, des Call of. Moi je sais que j'ai un pote, il achète un Call of, c'est uniquement pour le solo, quoi, c'est même pas pour le multi. Ce qui est un petit peu un gâchis, ouais, quelque part, mais bon, bref. Mais c'est vrai qu'ils ont toujours été ultra efficaces, ça t'en met plein la gueule tout le temps, et ça en VR, ça j'en étais persuadé depuis le début, ça tuerait. Et je suis content justement de voir ce genre d'initiative comme Crossfire Sierra Squad qui arrive. Et après, du reste, sur ce qui a été montré, y a pas mal de des choses qu'on connaît déjà, par exemple After the Fall aussi, qui va arriver enfin dans une version décente sur PSVR 2. Pistol Whip qui revient. Pistol Whip, mais celui-là, de toute façon, il n'y aura pas vraiment d'amélioration, mis à part un petit peu le tracking, j'imagine. Ouais, retour haptique, ils vont utiliser toutes les technos. C'est ça. Voilà, du PSVR. T'as aussi Zenith The Last City, donc Zenith. Ça, c'est pour rappel le MMORPG qu'on avait beaucoup aimé. Très très efficace, très sympa, plutôt long. Je crois que c'est une. Enfin, pour un MMO, c'est pas le plus long que vous aurez fait, mais. C'est un truc qui dure une trentaine d'heures, je crois 40 heures. Plutôt simple et coloré, mais en même temps qui fonctionne bien. Ouais, il vaut mieux jouer le mage si vous voulez pas avoir mal au bras. Exactement, voilà. C'est ce que j'ai fait après. oui, mais ce sont tes mots. C'est ça, mais je confirme. Voilà, ensuite il y a Demeo, mais ça on en a déjà parlé aussi. Il y a quoi d'autre? Jurassic World, donc ça vous pouvez retrouver la vidéo de l'ami Steph. Qu'il a fait sur la chaîne Vrac, pour vous faire une petite idée de ce jeu-là. Donc c'est un jeu typiquement Quest, hein, c'est-à-dire que c'est très... donc c'est cel-shadé, c'est très... Alors, à signaler que c'est le seul jeu qui n'a pas de trailer officiel sur le PS Blog. Ouais. Bizarre. C'est peut-être une Pourquoi bonne chose. Peut-être parce que c'est une bonne chose. C'est honteux. En tout cas... Non, je sais pas. Bah ouais, ou alors qu'il prépare autre chose, ou je préfère que, je préfère y a, ça y avait franchement pas de trailer avec le logo qu'il nous PSVR balance 2. Un trailer ouais, je préfère que qu'ils prennent pas un truc Quest et qu'ils nous mettent un logo PSVR 2 pour qu'ensuite on ait un jeu plus beau parce qu'au final, là, on est quand même sur les précommandes et les machins, donc ça fera que inquiéter les gens plus qu'autre chose. Si au contraire, il n'y a pas de trailer, je suis plutôt content qu'il n'y ait pas de trailer, en fait. Bah, il précise là aussi qu'il s'agit d'une version améliorée d'une aventure de survie. Ouais. Ah oui, d'accord, donc en fait, il y a le 1 et le 2, pardon, dans une seule et même collection. C'est Aftermath Collection, ouais, c'est ça. Bon, bah, on verra ce que ça donne. Steph avait l'air de dire sur sa vidéo que c'était pas un mauvais jeu, mais que ça manquait peut-être un petit peu de rythme. C'est de l'infiltration, tu te caches beaucoup dans ce jeu-là. Forcément, tu vas pas te fighter avec un vélociraptor comme ça à main nue. Tiens, toi, je vais te gifler, toi. C'est pas Turok, quoi. C'est qui je suis, moi. J'ai un PSVR 2, t'es à PEF. Pour le coup, on est mauvais. J'ai un copain, il est une RTX 3090. Ah ouais, alors, qu'est-ce que tu vas faire? pour le coup, on est mauvaise langue parce qu'il détaille un peu tout. Donc, en 4K à 90 images par seconde, le jeu est plus beau que jamais. Nous avons ajouté l'éclairage volumétrique, coucou Star Wars, sur PSVR 2, qui transforme radicalement l'expérience. Les effets de post-traitement sont plus impressionnants, les temps de chargement réduits, et nous exploitons même le retour haptique et l'audio 3D du casque PSVR 2. Eh bah, ça me ferait mal qu'il le fasse pas en même temps. Donc, non, mais par contre, ça c'est quelque chose aussi qu'il faut souligner. C'est-à-dire que tous les jeux qui sont présentés profitent de la techno du PSVR 2, au moins au niveau des retours haptiques, et sont, encore une fois, et ça va relancer le débat qu'on a vu avec Lolo la dernière fois, rehaussés par rapport à leur version d'origine autonome. Voilà. Oui, ils sont rehaussés. Ouais. Mais c'est vrai que les éclairages volumétriques sur PS4, ça ne serait pas passé. Ils sont peut-être pas, je pense pas, au niveau de ce que peut proposer la console, mais en tout cas, ils sont plus impressionnants techniquement leur version portable. C'est des Minecraft que tu passes en ray tracing. Voilà, donc ils sont rehaussés. On peut notamment parler du rehaussage, notamment de Tentacular. qui a l'air extrêmement impressionnant, effectivement, sur PSVR 2. Tentaculairement rehaussé. Alors, celui-là, j'ai une petite question. À qui s'adresse ce jeu? Est-ce que quand tu as 12 ans, puisque tu ne peux pas mettre de casque VR sur ta tête si tu as moins de 12 ans, est-ce que quand tu as 12 ans, tu es toujours intéressé par ce jeu? Vraie question. Bref, je ne sais pas. Non, est-ce que certains parents ne mettent des casques VR à leurs enfants quand ils ont 10 ans ou 8 ans? Vas-y, peut-être. Je te l'ai dit juste avant l'émission, j'avoue, je suis un mauvais père. J'ai fait tester MOS 2 à mon fils qui a 7 ans dans quelques jours. Moi, ma fille a 7-8 ans, elle était plus que fan de Job Simulator. Mais un truc de dingue, j'étais obligé de l'arrêter. Tu seras responsable de ses problèmes oculaires. Bon, maintenant elle est aveugle, mais... Bon, il en a déjà, donc c'est bon. Mais au moins il connaîtra. Donc, ok, Tentacular, faut voir ce qu'il faut faire. C'est un jeu, t'as les tentacules, voilà, c'est cool. Voilà. C'est édité par Devolver. Il y a aussi Cosmonius High. Là, voilà. C'est Job Simulator, version PSVR 2, qui n'a pas trop marché sur le Quest 2. Sur Quest 2, apparemment, d'après quelqu'un qui nous a dit ça sur le Discord. Je sais même pas si j'aurai le temps, en fait, on va pas trop en parler, je sais même pas si j'aurai le temps de mettre tout le trailer sur la version vidéo du podcast, parce que nous en touche une sans faire bouger l'autre. Hello Nightboard aussi, ça on a déjà parlé. Alors, aussi. Il profite aussi des améliorations de la PS5, je suis désolé. Monde animé de Cosmonius High en 4K 90 images par seconde. Les scènes prennent vie grâce à des ombres en temps réel. Attends, on a quand même des ombres en temps réel. Tu m'as convaincu, non, mais je vais précommander c'est tellement bête. Le PSVR 2. C'est bon. C'est tellement bête parce que imagine, le jeu, il est vachement simple au niveau graphique, enfin au niveau coloré, esthétique. Et coloré. Mais après, il faut voir comment il gère peut-être les dégradés ou les machins. Après, il faut voir ce que ça rend aussi. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est pas le truc quoi qu'il en soit, on sait que l'aspect global et puis le côté technique, finition et peaufinage sera vraiment très agréable sous le casque. Ça, on en est vraiment persuadé, donc on n'est pas inquiet là-dessus. Mais bon, voilà, Mais c'est déjà un gros pas en avant. Oui. Même s'il n'y a pas de communication à proprement parler, ça pour moi c'est un gros message quand même qui est envoyé par rapport à la génération des jeux précédents qui étaient portage Quest, enfin autonome, oui, enfin Quest, bref, vers la version PS4. J'avoue, je rabâche, mais pour moi c'est vraiment un gros message qui est envoyé, c'est qu'on a quand même des jeux qui sont plus travaillés, même si c'est des vieux jeux, ils sont quand même plus travaillés dans leur version PSVR 2 que dans leur version d'origine. Voilà. Et heureusement, j'ai envie de te dire. C'est très important. Mais c'est quand même heureusement. Heureusement, mais c'était pas le cas. Ouais. Mais c'était pas le cas. C'était... Donc c'est important. Ah bah non, c'était pas le cas parce que si le PSVR... ils sont même pas sortis sur PSVR. Donc ouais, c'est les jeux qu'on aurait dû avoir sur PSVR qui arrivent sur PSVR 2. Oui. Et d'ailleurs, il y en a certains qui vont sortir sur PSVR. C'est-à-dire qu'il y a le PSVR, si vous l'avez encore, et si vous nous écoutez normalement, vous l'avez encore, et vous y jouez encore, certains jeux vont ressortir sur PSVR. Donc, je veux dire, c'est le champ du cygne hein, pour ce vieux casque, ça, on est d'accord. Mais du coup, on sent bien qu'avec l'arrivée du PSVR 2, le PSVR va avoir un champ du cygne. Alors ça, vraie question, quel est l'intérêt ? Champ du cygne ? En fait, il faut penser un petit peu... Non, mais champ du cygne, c'était Transformers. Voilà. Moi, je suis c'est fini depuis. Moi, personnellement, il se passe plus rien. Personnellement, je suis plutôt content, en fait, justement, qu'il y ait encore t'as des pas jeux fait son qui test. Sortent... Je suis plutôt content qu'il y ait des jeux qui sortent sur PSVR encore maintenant et jusqu'à la fin. Et ça a toujours été comme ça, en fait, justement, entre deux générations vraiment de hardware. Et donc là, on passe du PSVR au PSVR 2. Et je trouve ça plutôt sain de pas laisser les joueurs de la première... génération de côté. Maintenant qu'ils viennent d'annoncer le prix du PSVR 2, c'est plutôt sain. Ouais. Alors toi, Sei, qui est toujours en train de te plaindre de la cross-gen, que ça fait 2 ans qu'on se tape des jeux de la gen d'avant, de machin, là aujourd'hui tu dis, les gars, moi je trouve ça bien quand même de jouer sur nouvelle génération, ancienne génération. Non, tu peux pas, enfin, c'est pas possible. Tu peux pas jouer sur les deux tableaux pour le coup. Là on est si c'est des le choses. Cas, on va être dans la rétrogradation du coup et encore d'être nivelé par le bas à cause d'un hardware qui va être inférieur à ce que on est censé avoir. Enfin, deux choses. Je me suis jamais plaint sans arrêt de la cross-gen. Attends, t'as pas dit que cette génération c'était la génération de la honte ? C'est pas toi ça ? Je crois que si. J'étais très ému. Il a pris plein de notes sur son écran. Il a tout ce que t'as dit. Non, en fait. C'est là. Toi, tu fais des screens. Moi, c'est dans ma tête. J'étais énervé. J'avais passé une mauvaise semaine. Bon, bref. Aïe, aïe, aïe, aïe. Non, mais en fait, quand tu passes d'une génération à l'autre, surtout quand tu mets les ronds pour acheter une nouvelle console, forcément, t'es un petit peu emmerdé quand t'as un petit peu le cul entre deux chaises, comme c'est le cas. Mais il ne faut pas oublier non plus les gens, et surtout qu'on a vu des posts sur Twitter de bons donneurs de leçons qui disaient « mais économisez pour acheter le PSVR 2 ». Moi, ça me fait gerber ce genre de commentaires-là. On est 10 à jouer sur PSVR. Il ne faut pas oublier aussi qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'acheter la nouvelle génération de machines. Je ne dis pas le contraire. Ou de quoi que ce soit. Quoi qu'il en soit, moi, pour... Mais je pense qu'ils n'ont plus de PSVR, ces gens-là. Pas à titre perso. Je pense qu'ils ont un Quest. Si, il y en a encore. Bien sûr qu'il y en a qui ont encore le PSVR et qui attendent des jeux. On en a sur le Discord. Et il y a aussi, rien que sur Reddit aussi, toutes les semaines, tu as des gens qui viennent d'acheter le PSVR. Parce qu'ils ont une PS4. Et moi, je connais des copains de mon fils qui ont une PS4. Ils ne sont pas passés la PS5. Et qui demandent des conseils, savoir quel jeu ils veulent prendre. Non, ils veulent un PSVR maintenant à 15 ans. Donc, pour finir, à ces gens-là, je leur réponds surtout ne faites pas ça. Quoi. Pour finir, justement, pour ces gens-là, justement, qui sont encore des joueurs PSVR, parce qu'il y en a encore, je suis très content justement qu'il y ait de nouvelles sorties sur le casque. On met de côté justement t'achètes un nouveau casque, t'achètes une nouvelle machine, t'achètes une PS5, t'es en droit de vouloir justement des versions qui sont full next-gen. Il faut pas oublier que mine de rien derrière la chance qu'on a mine de rien d'avoir les nouveaux hardware et d'avoir ces nouvelles machines consoles casques, et ben il y a encore des gens qui sont en train de galérer derrière, qui ont pas forcément les moyens d'acheter une nouvelle génération, etc. Objectivement, quelqu'un qui veut se lancer dans la VR aujourd'hui, tu lui conseilles un PSVR ? Je ne pourrais sérieusement jamais déjà. Ça peut être une porte d'entrée. Et ça, je l'avais dit même à l'émission chez ETR. Il y avait Zazel qui nous avait invité à l'époque. Je lui avais dit jamais je ne pourrais déconseiller de prendre le PSVR. Vu le catalogue aujourd'hui, mais même aujourd'hui, putain, tu prends ton PSVR, t'achètes Hitman 3, t'es refait. mais t'es vraiment refait. Imagine, t'as un Quest 2, tu peux jouer sur PC. Ouais, mais si la version est moins bonne. Et pas meilleure. Elle n'est pas meilleure. Mais on s'en fout, elle existe. Ah mais d'accord. Imagine quelqu'un qui a une PS4 qui veut t'as pas Astrobot. T'arrives à trouver des PSVR à 150 balles. Va jouer à Astrobot, okay. Va jouer à Astrobot Rescue Mission sur Astrobot, Quest 2, un Resident Evil 7. Laurent, tu t'arrives à trouver des Quest d'occasion, c'est pareil, à 200 ou 250 balles. Ah oui, mais t'auras pas Resident Evil 7 sur un Quest. D'accord, que tu pourras pas jouer à la manette, un jeu qui a 7 ans et qui est sorti sur PCVR, il me semble. Non, c'est un mode Resident Evil 7, c'est pas officiel. Il est pas sorti. C'est pas officiel. Bah alors en plus, tu l'as en mode. Donc tu peux le trouver. Non mais objectivement les gars, aujourd'hui tu conseilles Astrobot. Pas. Ah non, je conseillerais pas un Quest. Ah non mais moi clairement, quelqu'un qui veut découvrir la réalité virtuelle qui a une PS4 ou une PS4 Pro, je lui dis prends le PSVR. Prends le PSVR. Oui, voilà, c'est prends ça. Astrobot. Si le mec il a une PS4, je vais pas lui dire de prendre un Quest. Prends Astrobot. Surtout que maintenant le PSVR, tu le trouves à 100 balles. Tu le trouves à que dalle. Prends Astrobot, prends Resident Evil 7, prends des trucs comme ça, prends Tetris Effect, prends des. Il y a des putains de pépites, ça je veux pas cracher justement sur l'héritage du PSVR. Ouais. Et je trouve maintenant que. Et comme tu disais en plus tout à l'heure, Majo, c'est-à-dire que le casque il tient encore vachement bien la route. Le casque. Techniquement. Le casque. Oui, le casque. Le casque. Oui. Mais pas le reste. Eh ben, le tracking, Resident Evil 7, c'est à la manette. Resident Evil 7, c'est à la manette. Ouais, mais c'est pareil, ça décroche de temps en temps. Moi, je l'ai pas enterré. Firewall avec un aim controller. Non, non plus, j'y joue encore. Firewall avec aim controller, je vais te dire, t'as pas beaucoup de jeux sur PC qui arrivent à la cheville. Non, mais attends, tu parles d'un truc. Tu dis le truc entrée de gamme, c'est pas cher. Là, il va falloir qu'ils trouvent un aim pour jouer à ça. L'aim aujourd'hui, il se vend plus neuf. Tu vas d'occasion, ça coûte une fortune. Tu vas ici cash, tu le trouves pas cher. Je l'ai trouvé pas cher. Ouais, ben moi je l'ai trouvé gay et cher, j'ai trouvé à 50 balles le truc. Et sans la boîte, sans rien. En vrac, dans un truc, dans un bac à machin. Sans chargeur, sans câble, que dalle. Les moves, aujourd'hui, t'en trouves plus en neuf. C'est pareil, ça coûte une fortune. Donc, je me répète, aujourd'hui, un mec qui veut démarrer en VR, sauf s'il trouve un full set, à la limite, bien complet, et encore, mais t'en avec trouves le tracking, plein, t'en de, trouves en plein 2022... De cases. T'en trouves plein de cases. Enfin, moi ouais, perso, 2022, je conseille pas ça. Je conseille pas ça. Moi, tout conseille. En sachant qu'en plus, les jeux seront rejouables avec PSVR 2, très certainement, plus tard. Si le, type, si le mec il a déjà une PS5, c'est sûr que tu vas pas lui conseiller un PSVR. Bah si le mec, si déjà il est en PS4, qu'il a déjà pas forcément les moyens de s'acheter la PS5, bah, s'il veut découvrir la VR, c'est peut-être une bonne idée de passer par un PSVR d'occasion, juste pour voir ce que ça donne. Il n'aura pas perdu trop de ronds si ça lui plaît pas. Et puis après, par contre, il va peut-être se dire « Ah ouais, effectivement, ça me plaît, et je vais prendre le PSVR 2 et je vais investir. » Donc oui, ça peut être une entrée, quoi. Ce qui me rend fou, moi, là-dedans, c'est que le PSVR, quand même, il a bien tourné 2018-2019. On va dire qu'à partir de 2020, il a commencé à... Il y avait moins de jeux. Et là, on a quand même passé une période de désert incroyable où il n'y avait plus rien. Et là, on s'aperçoit qu'il y a quand même trois jeux qui déboulent. The Light Brigade, je crois qu'il arrive sur PSVR. Qui c'est qu'il y a d'autres ? Pistol Whip, il y est déjà. Moi, je veux juste te dire un truc, Majo. Retribution. C'est que j'insiste vraiment sur le terme et j'essaie d'être précis dans mes mots. Un gars qui a envie de débuter la VR, qu'est-ce que tu vas lui conseiller comme casque ? Ça ne va pas forcément être le PSVR. Ce que tu m'as demandé, c'est ce que je pourrais le conseiller. Quest Pro. Et je t'ai répondu que le PSVR, je ne pourrais pas ne pas le conseiller. Le déconseiller. Voilà, le déconseiller. Ça serait justement oui, je vois ce que tu mettre veux un coup de pelle sur l'héritage des jeux qu'il y a sur PSVR et qui sont quand même vraiment exceptionnels et vraiment exceptionnels et même supérieurs à tout ce que tu peux trouver même sur PC ou sur un Wipeout. Putain, t'as pas d'équivalent. Oui, t'as pas un truc qui lui arrive à la cheville sur PC, quoi. C'est vrai. Et même sur Quest 2. Juste parce qu'il y a le tracking qui est un petit peu tremblotant, les moves qui sont pas forcément facilement trouvables, et ça je veux bien l'entendre, hein. Même si si tu arrives à faire des bons coups de fusil, tu peux encore t'en sortir. Je vais pas enterrer encore et foutre le dernier coup de pelle sur le PSVR, en tout cas même sur à une personne qui veut découvrir la réalité virtuelle. Ça serait vraiment con de passer à côté, mais vraiment. Donc c'est pour ça le fait qu'il y a encore des jeux sortent sur PSVR 2, enfin sur PSVR 1, et ben je suis très content parce qu'il y a encore des gens justement qui sont dessus, qui y croient, qui n'ont pas forcément le choix économique de passer à la génération supérieure, surtout pour 600 boules ou alors pour une configuration PC avec un casque PC. Donc oui, je suis content et pour moi, oui, c'est une bonne chose. Après, je pourrais aussi prendre mon cas particulier de con qui a acheté du matos pour avoir justement les jeux next-gen et puis qui pourrait se dire « Ouais, mais franchement, c'est plus tolérable d'avoir des jeux de la génération précédente sur les prochains casques. » Oui, certes, mais c'est, ça serait mettre de côté justement toutes les personnes qui n'ont pas le choix, quoi. Et ça, je veux pas, je veux pas les foutre de côté ni les mettre au banc. Déjà qu'ils ont bien, il y en a beaucoup qui ont bien les boules, parce que des commentaires, je sais pas, cette semaine rien que sur Twitter, le nombre de personnes qui nous suivent habituellement et qui nous ont fait carrément, je pense Spanish qui nous suit depuis le début et qui nous a dit, à ce prix-là, laisse tomber, je peux pas. Il y en a plein. Il y en a plein qui nous ont dit cette semaine, non mais là, 600 balles, ils ont vu la Vierge, hors de question, quoi, j'y vais pas, quoi. Donc putain, ces gens-là, ils te suivent, ils te laissent des commentaires, tu les connais presque à force de discuter avec eux. Ils nous suivent depuis 2016, quoi. c'est ça. Depuis le début, ils sont là. Là, ils disent, non, quoi. Donc, j'ai honte. Des vrais, quoi, des vrais, pas comme toi. Donc, c'est sûr que c'est ce que je dis. Donc, si vous avez le temps d'aller voir la vidéo, le dossier vidéo qui est sur la chaîne YouTube. C'est que il y a vraiment trois groupes de personnes. Il y a le premier groupe, ça va être ceux qui soit n'ont pas les finances et qui sont peut-être emmerdés dans la vie ou qui ont peut-être ça fait trop cher pour eux. Qui ont une famille, qui ont du gasoil à payer, des loyers, ou qui ont les sous et qui vont se dire non mais à ce prix-là, ils me prennent pour un con, je vais attendre qu'ils baissent. Le deuxième groupe, c'est ceux qui hésitent, qui ont les finances mais qui se disent je fais quoi, le line-up il est suffisant. Ou pas, pour l'instant le line-up il n'est pas suffisant, donc ils hésitent, ils ne savent pas trop s'ils doivent y aller ou pas. Et le troisième groupe, c'est ceux qui ont tellement de pognon que de toute façon ils vont le prendre day one, et s'il ne marche pas, le lendemain il est dans un carton, ils n'en auront plus rien à faire. Et le problème, c'est qu'on ne connaît pas pour l'instant la taille de ce groupe 1, de ce groupe de personnes qui sont... Et quand on voit nos sondages, tu te dis, même s'il y a des gens, c'est sûr, qui ont dit... Moi, à 600, je ne le prendrai jamais de la vie. Et puis après coup, ils vont dire, finalement, si, je vais peut-être le prendre. Donc même s'il y a... Mais ça fait quand même 87%. Ouais, je les comprends. Et 87%, s'il y en a déjà 50% qui disent non, ça fait déjà beaucoup par rapport au... Et c'est là où je me dis que ça pourrait être dangereux. Donc c'est en plus, on est dans une conjoncture économique où les gens ont peut-être d'autres soucis de changer de voiture parce que ça coûte une blinde, de changer de truc, et ils vont dire « je vais jamais acheter un PSVR 2 ». Effectivement, c'est même pas parler que des finances, c'est pas que les gens sont... C'est même pas une histoire de « j'ai plus de sous, je suis pauvre, d'envie. Je vais pas me le prendre ». Parce et que dans, les gens, ils auraient pu se payer... Il y en a qui se sont payés la PS3 quand même. C'est vraiment un problème qu'on a un accessoire qui coûte 600 balles, Et que maintenant, la conjoncture, elle est difficile pour Sony, elle est difficile aussi pour les consommateurs, et que le marché qui arrive, il va être plus compliqué. Et ça va peut-être même développer les abonnements qui seront à 10 balles pour permettre aux gens de pouvoir jouer, parce que ça devient à suivre. Ouais. Donc, on n'a pas parlé d'Hello Neighbor. Hello Neighbor, on en a parlé il y a deux semaines, non, il me semble. Celui-là, non, parce qu'il fait partie des 11 derniers. Il a été. Celui-là. Ouais, exactement. Bah. Et celui-là qui est d'ailleurs PSVR et PSVR2. Ouais. Donc ouais. Ça, c'est bien. Alors lui, il me hype. Ok, bon. Lui, il me hype parce que la petite histoire, c'est que mon fils jouait à Hello Neighbor avec un de ses potes quand il était au collège. Et moi, à chaque fois que je passais devant ce jeu, alors le principe, c'est que tu vas chez le voisin, sauf que le voisin, c'est un maniaque complètement taré. Toi, t'es un enfant, hein, tu rentres dans la maison, et lui, en fait, il va vouloir te buter, il va vouloir t'attraper, et c'est une chasse aux sorcières dans cette maison avec ce voisin qui va te. Et à chaque fois que je passais devant cette télé, que je voyais le jeu, je dis putain, il me sort ça en VR, ça va être top, et je suis super content qu'il arrive maintenant. Quoi. Donc c'est bien. Exact. Alors c'est pas le même que celui que t'as vu, hein. C'est une autre version du coup. Ouais. Mais bon, le but, je suppose, restera le même puisqu'il faudra sauver un de tes petits camarades bloqué dans la cave du voisin. Voilà. Et je viendrai sauver Majo. À chaque fois que je disais aux jeunes, c'est quoi votre jeu d'horreur préféré? Ils me répondaient tous, Hello Neighbor. Ouais, donc il y a une bonne ambiance. Ceux qui étaient en 3e, 4e. Jeu d'horreur, on va dire en 5e, 4e. 5e, 4e, ils disaient que c'était Hello Neighbor. Donc en VR, je pense que. Parce que ce qui est marrant avec ce jeu, c'est que tu vas te retrouver à faire quelque chose, tu vas te retourner et tu auras le voisin qui sera juste derrière toi. Quoi. Donc il va y avoir des petits coups de stress. De montée cardiaque. Voilà, des petits coups de stress. Il y en a un autre aussi qui a été annoncé sur PSVR 2, là, qui va pas sortir tout de suite, mais qui est sorti sur Quest 2, il me semble. C'est Among Us VR. Vous pouvez retrouver d'ailleurs la vidéo de Rames sur sa chaîne. qui exact. Explique vraiment tout, tout dessus. Et je suis pas joueur Among Us en plat, mais putain, moi il m'a donné envie hein, quand même sur la version VR. Ah ouais. Tu vois, moi c'est l'inverse. Ah ouais. Enfin, je suis pas joueur Among Us non plus, mais ça m'a pas fait rêver. Quoi. Ah, j'aimerais bien faire une petite partie justement avec les potos sur ce jeu-là. Ça serait plutôt cool. Donc, pour l'instant, je sais pas quoi en penser en fait. Donc. Ah, ça a l'air d'être. Je vais y aller par curiosité, mais. Jeu de plateau avec une ambiance. Mmh. Apparemment, la spatialisation de la vidéo, enfin, du jeu et au niveau du son est plutôt pas mal et importante, forcément. Et ça a l'air de plutôt pas mal marcher. Est-ce que vous avez des choses à rajouter pour cette émission, messieurs, du coup? Je crois qu'on a déjà dit plein de trucs là. Moi je pense que surtout. J'ai fini Death Stranding. On s'en bat les couilles. j'ai fini A Plague Tale Requiem aussi. C'était très très bien. J'ai peut-être une toute petite parenthèse à rajouter à ce qu'on a dit depuis au bout de 3 mois, le PSVR s'était vendu à 750 000 unités. D'accord. Bon, intéressant. Eh ben merci, voilà. Merci Laurent. Espérons que ça sera la même chose, mais vu pour l'instant, vu la manière dont il faut, comment dirais-je, précommander le casque, c'est pas gagné. C'est quand même compliqué. Il y a aucune com. Je crois qu'on ne l'a pas précisé, donc on va le dire. Hein. Du coup, il faut aller sur le PlayStation Blog, vous connecter, aller sur la partie PlayStation VR 2, vous inscrire pour la précommande. Un mail vous sera envoyé avec un créneau horaire pour pouvoir précommander directement via le site PlayStation. Je n'ai plus le nom. PlayStation Network ou je ne sais plus quoi. Bon, enfin bref. On mettra le lien en description. Et uniquement pour l'instant via... ce mode-là. Le lien est dans notre article Un avenir incertain pour le PlayStation VR 2. Le site c'est direct.playstation.com. Donc voilà, ça non plus, ça n'aide pas, c'est assez compliqué. Donc il y en a qui ont. Enfin, beaucoup de monde s'est inscrit. Ça c'est pareil. Hein. Il y a énormément de gens qui ne veulent pas le casque, mais finalement qui se sont inscrits ou qui cherchent à s'inscrire. Et qui n'ont pas reçu le mail et qui bah voilà, l'attendent avec impatience. Dont ça moi. Aussi, ça va être fou. Ça va être fou parce qu'il y en a qui ont le truc et qui ne vont pas le prendre, alors qu'il y en a qui le payeraient, exact. Mais qui ne vont pas pouvoir le prendre. C'est con. Donc, voilà. C'est vraiment bon. Enfin, voilà. On marche à l'envers. Quoi. C'est un peu ballot encore, ça fait partie de la com. Mais comme je disais, c'est louable puisque c'est quand même. C'est pour contrer les scalpers. Pour éviter le scalp. Parce qu'on voilà, va avoir le casque à 2000 balles bientôt sur. C'est ça, c'est la méthode qu'ils ont adaptée pour pallier au scalp justement de la console, c'est de proposer cette, on va dire, vente flash aux possesseurs de compte PSN, puisqu'il faut être connecté, faut avoir un compte pardon PlayStation pour pouvoir s'inscrire. Donc du coup, et qui plus est, enfin pour la console en tout cas, ils avaient précisé compte actif, donc c'est pour ça j'en parlais. Je suppose que c'est la même chose pour le PSVR 2, il faut quand même un compte actif, justement, parce que sinon vous pouvez créer un compte une demi-heure avant, vous inscrire et recevoir le mail. Dans ces cas-là, moins d'intérêt pour le coup, pour éviter les scalps, mais c'est aussi une manière de récompenser les gens qui sont fidèles à la marque, donc tout en évitant le scalp, donc je trouve que c'est quand même louable, malgré le fait que ça soit particulièrement casse-pied, voilà. On sait pas quelle est la recette pour être admis. Est-ce que c'est aléatoire ou est-ce que c'est vraiment en fonction de ce que tu as déjà pris sur le PlayStation Direct? Je sais pas. Je n'en ai aucune idée. Pour info, j'ai une PS5 sur le PlayStation Direct, donc c'est peut-être pour ça que j'ai reçu pour le casque. On sait pas. Bon. Ah, peut-être, c'est possible. C'est fort probable. Quoi qu'il en soit, venez nous rejoindre sur le Discord pour justement pouvoir parler un petit peu de tout ça, avoir peut-être des astuces et puis pouvoir échanger aussi, c'est très important. Comme je le disais en début d'émission, c'est vraiment l'effervescence en ce moment sur le Discord. C'est vraiment intéressant d'avoir les points de vue de tout le monde. Exact, et tous les avis sont différents. Et tous les avis. Il y a même des gens qui n'ont jamais joué à un jeu VR à la maison. Et qui posent des questions. Ils sont là quand même. Voilà. Et qui posent des questions parce qu'ils ne savent pas s'ils vont. C'est sympa, ouais. C'est super intéressant. Les gens, même des sceptiques. Des sceptiques, justement, qu'on peut donner en tout cas notre ressenti, nous, sur cette technologie. On peut convertir. Mais en tout cas, voilà, moi je tiens encore à remercier. Allez, dans la secte. Je tiens encore à remercier vraiment les gens qui sont sur le Discord parce que on n'a pas eu à modérer qui que ce soit en fait. C'est vrai. Depuis le début du Discord, c'est que vraiment des gens. Depuis la création du Discord, on n'a jamais viré quelqu'un. Il n'y a jamais eu quelqu'un qui est venu pour foutre chaque le bordel. Chaque échange est un échange constructif. On peut ne pas être d'accord, mais en tout cas, ça a toujours été constructif, intéressant et puis moteur de débat. Donc, vraiment super. Donc, merci beaucoup à tous ceux qui sont sur le Discord. Continuez comme ça, les gars. Ouais, c'est vraiment sympa. Si ça vous intéresse, du coup, venez nous rejoindre. Et si vous n'êtes pas encore sur le Discord de VR 4 Player, pour avoir toutes les actualités, évidemment, que vous pouvez retrouver sur le site. Tous les podcasts aussi qui sont après diffusés dessus, des échanges sur les émissions. On partage de tout d'ailleurs. On partage ce que les gens lisent un peu à droite à gauche. C'est ça. Ou nous sur divers sujets aussi. C'est un bon complément en plus au site VR 4 Player. Donc effectivement c'est bien. Vous pouvez partager des articles d'autres sites. Donc c'est plutôt cool. Vous emballez pas trop quand même. La clause de concurrence. C'est ça. Ouais. Je rigole. Mais en tout cas, c'est plus sympa que sur les réseaux sociaux qui sont un peu plus informels et puis un peu plus finalement. Ouais, un peu plus saignant et plus sauvage. Hardcore, mais il y a plus de monde. Hein. Discord, quand il y aura plus de monde, ça sera aussi compliqué. Mais c'est vrai que Facebook et Twitter, si tu dis un truc, tu te fais arracher un œil tout de suite. Quoi. Mais donc voilà, on est une centaine sur le Discord, donc voilà que des gens bien. De poli et bien élevé donc voilà et constructif donc c'est cool donc merci encore je vais pas faire la promo du podcast hein, vous pouvez le trouver sur tous les podcasts YouTube mon cul là mais tu la fais pas voilà mais je la fais pas en tout cas je la fais mal tu vois parce que j'ai pas envie de la faire parce que la flemme c'est ça la flemme messieurs en tout cas je vous remercie encore d'avoir participé à cette émission. Normalement, on aurait dû avoir une invitée ce soir, mais ça n'a pas pu se faire. Ça sera peut-être une prochaine fois, on verra. Peut-être une autre fois, ouais. On essaiera de négocier quand on sera un petit peu plus organisé, en tout cas. Et puis, je vous dis à dans deux semaines. Merci, Majo. Un mot pour la fin ? Oui, pensez à venir nous voir sur VRAC. Exactement. Puisqu'on parle de qui a la plus grosse, il y a des très beaux comparatifs de MOS et MOS 2 en version PSVR autonome et 3090 du coup. Sur PC, voilà. Donc, et puis le l'unboxing de El Rocco sur la superbe édition de comment ça s'appelle déjà Puzzle Bobble voilà. C'est Puzzle Bobble très sensuel Vacation Odyssey avec une superbe serviette d'ailleurs avec un tissu qui est dégueulasse où on voit à travers. Je vous invite à aller voir ça, c'est formidable. Collector, putain, c'est un collector à 400 balles mais après non putain il est cher le PSVR. Ouais, c'est le genre de truc que tu t'essuies pas avec. Voilà, mais quand j'ai vu ça, franchement, c'est dégueulasse. Quoi. Il a ouvert, tu voyais le jour et tout. Horrible. Petite précision, MOS 2 va bien débouler sur le PSVR 2. Donc, la version qui est présentée sur VRAC, la version PC de MOS 2, risque fortement d'être quasiment la même visuellement que celle du PSVR 2. Donc, ça peut être intéressant de. Peut-être qu'on aura une version upgradée. Les petites lumières volumétriques. Avec des gougouttes. Peut-être qu'il y aura des gougouttes dans l'eau. On verra. Bon. Laurent, un petit mot de la fin. Un mot. Laurent. Il vient de dire. Un mot. C'est ce que je voulais lui faire le coup. Eh bien, mardi matin, personne ne m'appelle. Ça fait déjà trois ans que je vais avoir un truc à commander. Salaud. Ça marche. Bon, en tout cas, tenez-nous au courant, chers auditeurs, si vous avez réussi à précommander le PSVR 2, si vous êtes content, ce que vous attendez un petit peu des jeux, si vous êtes confiant sur l'avenir de ce casque. Et puis, du coup, nous, pour notre avenir, on va se retrouver déjà dans deux semaines pour la 90e émission déjà, bordel de merde. Ça fait plaisir. Parce que 11 et c'est la centième. Voilà. Est-ce que tu as réfléchi, ça y est d'ailleurs, Absolument pas. Je réfléchis beaucoup. Je réfléchis à beaucoup de choses. Je pense qu'il y a moyen de faire des trucs vraiment plutôt simples à mettre en place et plutôt intéressants pour les gens vraiment qui nous suivent. Pour nous, non, ça sera pas plus intéressant que d'habitude. Mais par contre, ça peut être intéressant pour les auditeurs. Donc, on va mettre des trucs en place. Faites-nous confiance, mais pas trop. Et puis, on vous dit à dans deux semaines. Et puis, bisous. Allez, ciao. Salut. Ciao.